aux États-Unis. 89.1 Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le bilan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Samuel Girard creusera un sujet d'actualité dans sa chronique d'opinion hebdomadaire et Marie-Christine Perrin nous créera un creux en nommant sa chronique artistique gratin et vin gratuit. Assemblage Reiki commence tout de suite. Assemblage Reiki pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki pour toi aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce lundi 15 février 2016, 71 jours avant la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania. Ça va bien? Oui, une autre semaine qui commence. Sur ces notes de notre chanson thème de Valse Pariétaire en version performance acoustique. Passez une belle fin de semaine. Oui, quand même. Il faisait froid, hein? Frisqué. Ouais. Pas mal, ouais, mettons. Ouais, ouais. Donc, on est resté à l'intérieur. Ouais, pas mal ça pour tout le monde. Oui, je pense. Mais sinon, super belle fin de semaine. Voilà, cool ça. Aujourd'hui à l'émission, Tania, on a Samuel Girard à 8h30 pour sa chronique d'opinion hebdomadaire. Il va nous partager un petit sujet de l'actualité fort probablement québécoise à l'habitude. Probablement. À 9h, Marie-Christine Perra et sa chronique d'art visuel gratin et vin gratuit, elle visite toutes les places qui sont visitables à Trois-Rivières pour regarder des choses artistiques. On va aussi recevoir Éric Ayotte du groupe Les Gars de Mashup pour parler du QTR en spectacle qui a lieu mercredi soir au cégep de Trois-Rivières. Ta chronique à toi, Tania Esgaller-Titania, qu'est-ce qui s'en vient? Je vais vous parler de quelque chose que j'ai... Quelques, au pluriel, choses au pluriel. Choses. Exactement. Que j'ai découvert durant la fin de semaine. Bon. C'est lundi, donc on fait le retour sur la fin de semaine, comme wow. Bien souvent. Super, c'est pas moi qui aurais fait ça, parce que j'ai pas fait grand-chose dans la fin de semaine. Hein? Donc c'est l'émission d'aujourd'hui qui s'annonce chargée comme d'habitude. Oui. Juste assez de temps pour commencer avec une pièce de Young Rival, voici Interior Light. Assemblage Reiki. C'est The Young Rival et Interior Light, une pièce qu'on adore à Assemblage Requis. C'est dans les palmarès, c'est fou. Maintenant, on adore aussi apprendre. Tu sais, quand on est dans une université, donc à un moment donné, il faut s'ouvrir un petit peu les horizons, essayer d'apprendre des choses que vous n'avez peut-être pas besoin de savoir. Voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. T'avais oublié qu'il y avait une chanson? Légèrement. C'est ça, ça fait juste extrêmement longtemps qu'on n'a pas fait de cet effet. C'est ça. Commençons en 1967 où le Whisky Canadian Club a lancé sa campagne publicitaire Hide a Case. Il y avait donc des caisses de Canadian Club qui ont été cachées dans des endroits exotiques comme le Mont Kilimanjaro, Angel Falls, le Mont St. Helens et les Alpes Suisses. Il y a un petit paquet de caisses qui était entre autres qui avait été caché dans le cercle arctique qui n'ont jamais été trouvées encore. De nos jours, vous pourriez trouver des Canadian Club de 1967, miam. Quand même, hein? De whisky. Ça vieillit bien, ça, du whisky? Oui, en temps normal, depuis ça vieillit 67. Très bien. Ouais. En temps normal, c'est meilleur quand ça vieillit. Comme n'importe quoi. Ben, pas comme n'importe quoi. Bon, comme plusieurs alcools, disons ça comme ça. Voilà. Il y a une chaîne de restaurants américains qui s'appelle Der Wiener Schnitzel. Oui, ben oui. Der Wiener Schnitzel, évidemment, qui contient en fait trois erreurs de la langue allemande dans son nom. Le genre est incorrect. Le restaurant sert des hot dogs et non pas des Wiener Schnitzel. Et il y a un espace manquant qui implique donc que les résidents de Vienne ont été utilisés comme ingrédients. Donc, trois belles erreurs dans Der Wiener Schnitzel. C'est un peu malaisant, non? Un peu, genre, au moins renseigne-toi. Il y a bien des affaires de même dans les langages autres que l'anglais, que les anglais, les anglophones, en fait, prennent pas le temps de vérifier. Il est là. En 1983, des centaines de travailleurs ont brisé un record mondial en construisant une maison à trois chambres à coucher en seulement 3 heures. Déjà, bon, c'est quand même impressionnant, une maison de trois chambres à coucher en 3 heures. Cool. Ils l'ont vendue à des acheteurs qui ne se sont pas fait dire l'origine de la maison. La maison était donc un cauchemar instantané avec du bois pas droit, des tuyaux pétés, des toits qui n'étaient pas placés correctement, de la peinture qui n'allait pas ensemble, bref, des portes tout croches. Mauvais égout, etc. Donc, tout ça en 3 heures, c'est bien normal. Il est là. On s'attend à ça. On revient à l'alcool. En 2009, Miller High Life a acheté une publicité de 1 seconde pendant le Super Bowl et ça a augmenté les ventes de 8,6%. Ah! Ouais. Wow. J'essaie d'aller voir si j'étais capable de trouver la publicité d'une seconde. Oui, j'ai saisi. Attention. T'es prête? Faut ouais. Pas que tu clignes des oreilles, là. Mais je l'ai pas. OK, attends un peu. Non, moi, je l'ai, par exemple. Mais okay. On va l'écouter ici. Attention. High life! C'est tout? Ouais, c'est high life. OK. High life! c'est 5 millions bien investis. Ben, hein? Vraiment, là. High life! Je pourrais la regarder 30 secondes de suite. Mais je le ferai pas. C'est ça. Ça pourrait être long. Donc, ça, c'était en 2009. 1 seconde de publicité pour le Super Bowl et ça a augmenté les ventes de 8,6% selon eux. Un animateur de nouvelles australien a porté le même habit pendant un an à chaque jour pour illustrer la différence entre les hommes et les femmes et les deux poids de mesure, si on veut. Parce que personne n'a remarqué le fait qu'il portait le même habit pendant un an. Ah, pour vrai? Il l'a dit après. Mm-hmm. Hmm. À 11h chaque matin, un groupe de 5 canards mené par un maître des canards descend d'une suite dans un grand hôtel de leur penthouse jusqu'au lobby du Peabody Hotel à Memphis. Après avoir joué dans la fontaine, à 17h, ils quittent et ils retournent à leur chambre et ils font ça depuis plus de 70 ans. Mais non! Je te jure! Avec le monsieur avec l'habit rouge là, qui a l'air d'avoir changé de face, là, je sais pas si c'est parce qu'il y en a un qui est mort. Ah, peut-être. 70 ans. Je sais pas si c'est le fils de l'autre. Ouais. Bref, vraiment cool d'aller voir les photos sur Assemblage Requis. C'est vraiment très drôle. Mm-hmm. C'est comme la mascotte de l'hôtel. Mais c'est des canards. C'est exactement ça. On parle toujours d'animaux. Hein? Mm-hmm. Tu connais nos amis les loutres de mer? Les loutres oui. de mer? Oui, les loutres de mer. Oui. Qui ont une poche à l'avant de leur corps qu'ils utilisent pour mettre leur roche préférée. Ah, ça, je savais pas. Tu savais pas ça? Ils utilisent les roches comme outils pour ouvrir des huîtres, entre autres. Et des fois, ils vont juste jouer avec. Il y a des photos, encore une fois, sur assemblagerequis.com. Ils jouent avec leur petite roche. C'est cute à mort. Non. Le premier service de streaming de musique a commencé en 1897. Tu me diras, attends un peu. J'ai-tu bien compris? En 1897? Ouais. Oui. Streaming, mais non. Streaming. Les utilisateurs à New York pouvaient prendre leur téléphone et se connecter au Telharmonium, qui était un hub central qui envoyait de la musique, qui jouait en direct par deux musiciens qui jouaient 24 heures par jour. Oui, mais là, fallait-tu garder ton combiné sur ton oreille? C'est ça, du streaming. Ça passe par les ondes téléphoniques. Pareil. Wow. 1897. Telharmonium. Telharmonium. En 1982, l'Université de Pittsburgh, l'équipe de rugby de l'Université de Pittsburgh s'est fait prendre à utiliser des têtes humaines. Hein? Volées du laboratoire d'anatomie de l'école pour se réchauffer avant une partie. Mais c'est dégueulasse. Mais je sais bien. Ils se trouvaient drôles, les autres, en 1982. Ils prenaient les têtes à la place des ballons pour ouais. se pratiquer? Têtes du laboratoire d'anatomie. Oh. Le service militaire américain, au départ, était supposé fournir le personnel, les véhicules et les costumes pour le film Jour d'indépendance, Independence Day, mais ils se sont retirés quand les producteurs ont refusé d'enlever les références à la zone 51, Area 51, du film. Oh. Ils ont dit non, on veut pas faire ça. Non. Lorsqu'il s'emmerdait au travail avec son Manhattan Project, Richard Feynman s'amusait en déverrouillant les fichiers confidentiels de ses collègues, donc tu sais, pick a lock, là, tu sais, avec différents outils pour ouvrir une serrure. Donc il s'amusait avec ça, il plaçait des notes, des petites blagues, et ses collègues croyaient qu'il y avait un espion qui avait infiltré le projet Manhattan. Non. Mais en fait, c'était lui-même, M. Richard Feynman. En 1946, les clients de Kodak se plaignaient que leur film se développait avec un petit genre de nuage dessus, ou un flou, si on veut. Okay. Donc Kodak a enquêté. Ils ont appris que les... excuse-moi, j'ai pas le terme en français pour ça. Faut que j'aille le chercher rapidement. Tu sais comment je suis rapide sur Google. Ben oui. Google fou! Donc, ce qu'ils utilisaient, c'était des cosses de maïs. OK? Des cosses de maïs. OK. Ça se tient, ça? Feuilles de maïs. Ouais, ça a l'air d'avoir une feuille de maïs. Bref. Donc, ils ont découvert que les feuilles de maïs utilisées pour l'emballage étaient radioactives. Ils ont découvert que, dans le fond, quelque chose qui n'était pas public, c'était pas su. Donc, l'emballage avait été exposé à des restants de radiation de la première bombe nucléaire, la première explosion de bombe nucléaire. Ça avait donc exposé ça. Le maïs avait été exposé à ça. Et le maïs était utilisé pour l'emballage. Fait que c'est ça qui créait le petit nuage. C'était ah, mon Dieu! C'était en 1946. Deux bébés ont été échangés à la naissance. Une famille était riche et l'autre était pauvre. Oh. Le bébé biologique de la famille riche, donc qui était dorénavant avec la famille pauvre, est devenu un conducteur de camion. Et le bébé biologique du couple pauvre, qui était donc avec la famille riche, est devenu le président d'une compagnie. Étrange, hein? C'est ben, ton contexte. C'est la preuve que quand tu dis que tes parents sont tes parents, c'est les personnes qui t'élèvent. Et voilà. C'est pas totalement faux. C'est pas parce que hein? C'est ça. Exactement. Ça parle d'adoption. Ça arrive souvent, ça a l'air, ça. Un échange de bébés à la vraiment, naissance. Ça fait peur un peu. C'est inquiétant. Hein? Ouais. Y a une désillusion mentale qui s'appelle la désillusion du Truman Show, où ceux qui sont affectés croient que leur vie sont en fait des émissions de télé-réalité. Un patient est allé à New York pour aller voir si le World Trade Center était tombé, croyant que les attaques du 11 septembre étaient un scénario inventé, élaboré dans sa propre histoire à lui. Et là là. Aïe, ça va pas bien. Le jour du poisson d'avril en 1989, le milliardaire Richard Branson a créé une montgolfière qui ressemblait à un ovni. Ça, c'est bon, hein, comme gag. Il a engagé un nain dans un costume de E.T. pour sortir et faire peur à la personne qui allait être là à l'arrivée. Mais non, hey, ça, c'est malade, par exemple. J'adore, c'est en 1989. Il engage un nain puis l'habille en E.T. Hey, c'est hot, ça. Le stéthoscope a été conçu parce que l'inventeur était inconfortable par rapport au fait de mettre son oreille sur la poitrine d'une femme pour écouter son cœur battre. Ben, merci à ce cher médecin. Voilà, il a inventé le stéthoscope. À quoi servent les petites poches sur une paire de blue jeans? C'est une bonne question. Très bonne question. Hein, donc, c'est pas pour mettre de la monnaie dans le temps. Ben, des fois, on appelle ça une poche à monnaie. Ouais, mais oublie ça, là. Moi, mes mains, ils rentrent pas là. Ça rentre pas là, justement. Mais souvent, c'est pas utilisé, surtout chez les femmes. Mais les oui. pantalons de femmes sont plus serrés pas mal. Donc, cette petite poche pas trop profonde située en haut de la poche principale de vos pantalons, c'est pas fait pour la monnaie. À l'origine, c'était fait pour, attention, une petite montre! Ah! De poche. Donc, récemment, le journal The Independent a pointé une discussion sur un forum de Quora en 2012 au sujet des origines de cette petite poche-là, donnant le crédit à Levi Strauss, l'homme qui a littéralement inventé le blue jeans bleu en 1873, donc pour l'invention de cette poche additionnelle. En 2014, sur le site de Levi's, on a confirmé ça, disant qu'au départ, les jeans de Strauss, qui étaient faits pour les cowboys, avaient une petite poche pour protéger leur montre de poche. La compagnie dit que cette poche-là existe depuis presque aussi longtemps que les jeans de Denain existent. Son nom a évolué, évidemment, depuis les 140 dernières années pour refléter. Excusez, je viens d'avoir quelques petits noms qu'on lui a déjà donnés. Ben, on l'a utilisé, on l'a appelé la Frontier Pocket, la poche à condom, la poche à monnaie, la poche à montre et la poche à ticket. Comme la un poche billet de. Ticket. J'imagine pour le théâtre ou le petit billet. Parce que c'est des fois, c'est là que je mets mon petit billet pour les concours dans les soirées. Le petit billet ou les boissons gratuites aux soirées 5 à 7. Genre. J'ai jamais pensé à faire ça. C'est là que je le mets, moi. C'est pratique. C'est les billets d'autobus dans le temps aussi. Ouais. Tu sais, les billets de vestiaire dans les endroits, on pourrait le laisser là. Mais je dois avouer, je comprends pas pourquoi il y en avait pas sur les pantalons dans ce cas-là. Tu sais, dans le temps, là, que les fameuses montres, tu sais, s'ils disent que c'était une poche à montre. Mm-hmm. Ça se voyait pas mal plus quand les gens avaient des beaux pantalons. C'est vrai. Mais il y avait le petit veston qui avait une mini-poche. Ah, ben oui, ben oui. Ben voilà, moi, je me demande si la grandeur de la poche a changé, parce qu'il me semble qu'une poche, sûrement. Une montre de poche en ce moment, mettons, ça rentrerait pas dans ma petite, dans mon petit trou. Ça l'a sûrement rapetissé. Ouais, probablement. Bref. Ensuite, ça, je trouve ça quand même assez drôle. C'est des posters Scratch and Sniff dans le métro de New York. Ça, c'est drôle. Des fois, les stations de métro de New York peuvent puer. Il y a une étudiante à l'école des arts visuels, School of Visual Arts, Angela H. King, qui a trouvé une façon de calmer un peu cette douleur. Et ça revient à son enfance avec le Scratch and Sniff. C'est une série de créations odorifiques, voilà, qu'on installerait. Donc, c'était pour un projet, pour une thèse. Donc, elle nous montre une petite vidéo avec des statistiques sur le Metropolitan Transit Authority, ce qu'on appelle le MTA là-bas à New York. Qui ont coupé leur track cleaning unit de presque la moitié. Donc ça, c'est sûr qu'ils s'occupaient de nettoyer les stations de métro, alors qu'on continue à augmenter les prix pour prendre le métro. Donc le résultat, selon Kim, c'est plus de déchets et plus d'équipements brisés dans le réseau sous la terre. Et pour essayer de faire parler de ce problème-là, c'est pour ça qu'elle a fait ces posters-là. Donc c'est des genres de dépliants, si on veut, avec des petites bandes qu'on peut déchirer en bas. Donc un peu comme quand on cherche un cours de piano, je sais pas trop quoi, dans les sur les poteaux. Bref, odeur, parfum de vanille, de lavande, d'orchidée. Et ça dit donc, en haut, ça dit « If you smell something else ». Si vous sentez quelque chose, sentez autre chose. Ce qui est un petit jeu de mots avec le slogan du MTA qui est « If you see something, say something ». Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Donc, c'est pour encourager les gens de rapporter aux autorités les choses qui se passent de louche dans le réseau de métro. Ensuite, on nous apprend comment spammer les gens par Telegram selon un livre de 1928. C'est drôle. On pense souvent au spam comme quelque chose qui sort de l'époque d'Internet. Donc un phénomène moderne qui a évolué avec les courriels. Mais en fin du compte, non. Des messages non désirés, des messages promotionnels, c'est beaucoup plus vieux que ça. En fait, le spam date du 19e siècle avec l'invention du télégraphe qui a révolutionné les publicités, permettant aux entreprises d'envoyer leur publicité en grande quantité pour la première fois. Mais les futurs spammers de la fin du 19e et du début du 20e siècle n'ont pas toujours compris l'invention compliquée. C'est pour ça qu'en 1928, Nelson E. Ross a publié « How to write telegrams properly », donc un petit dépliant qui nous parlait du style correct pour envoyer des messages publicitaires. Donc ça dit, je cite, « Si vous voulez envoyer le même télégramme à 20 personnes différentes ou 200 ou 2000, ce n'est pas nécessaire de préparer 20, 200 ou 2000 télégrammes séparés, ce qui va vous coûter beaucoup trop cher et prendre beaucoup trop de temps. Vous n'avez besoin que de faire une seule copie de votre message et fournir une liste d'adresses. Pour aucun coût additionnel, la compagnie de télégraphe va préparer le message pour différents endroits avec autant de vitesse et de précision qu'un seul message. » Donc, ces livres de télégrammes, comme on les appelle, sont souvent envoyés par des compagnies qui veulent offrir des propositions spéciales à leurs clients. Ou pour ramasser l'argent que les clients leur doivent, là, préparer les factures, etc. Donc, le plus grand nombre de copies fait à un seul moment est plus de 200 000 télégrammes envoyés de New York. Une avalanche de messages comme celle-là, évidemment, peut être assez détestable à envoyer à la main. Donc, pourquoi ne pas le faire par la compagnie de télégrammes? C'était publié en 1928 et The Economist dit que la première fois qu'un spam par télégramme a été fait, ça date de 1864. Un groupe de politiciens britanniques a reçu un paquet de télégrammes en fin de soirée d'un dentiste local, Monseigneur Gabriel. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce ça. Voilà. Un policier était tellement outré par cet acte-là qu'il a envoyé une plainte à un journal local. Je n'ai jamais dealé avec Monseigneur Gabriel et j'aimerais vraiment qu'on arrête de m'envoyer des messages comme ça. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il me dérange avec un télégramme? Simplement pour faire une publicité. Ensuite, il y a une station de radio qui a joué une blague à ses auditeurs en jouant la même playlist. pour le jour de la marmotte. OK. Regarde, on continue. On continue, exactement. C'est une station de radio basée à Pittsburgh, WYEP. C'est une station non commerciale qui a fait une blague à ses auditeurs en diffusant la même playlist entre 6h et 17h, le 1er et le 2 février. C'est un hommage non annoncé, évidemment, au film Le jour de la marmotte de 1993 avec Bill Murray. Chaque chanson qui a joué pendant le premier jour a joué le deuxième jour aussi, exactement dans le même ordre. On se rappelle qu'on a fait un petit peu la même chose à Assemblage Rocky il y a quelques années de ça. Mais bon. Donc, même la discussion entre les DJ, qui était préenregistrée d'ailleurs, était presque la même. Les auditeurs du matin ont entendu la co-animatrice Cindy House faire une imitation de Bruce Springsteen le 1er février. Donc, c'était Bruce Springsteen avec The Ties That Bind or The Ties That Bind, yang, yang, yang. Elle a fait la même blague les deux fois. Tous ceux qui ont écouté donc au 91.3 FM, voilà, on a entendu faire la même blague deux fois. Ils n'ont pas passé les mêmes bulletins de nouvelles, malheureusement, ce qui défait pas mal l'idée de la blague. Ils ne voulaient pas amener ça jusqu'à ce niveau-là. Sinon, donc, le contenu au complet des 11h a été répété, et puis en référence à ça, ils ont joué à chaque fois qu'il était 7h du matin, donc deux fois, la chanson de Sonny and Cher, I Got You Babe, Bye, comme dans le film. Ils avaient cette idée-là depuis 2014, ils n'ont pas pensé à le faire, ils n'ont pas réussi à agir finalement avant 2016. Et puis, c'est ça, sinon... Ah oui, ça disait que le jour de la marmotte était tombé un lundi l'année dernière, alors que cette année, c'était, je crois, un dimanche. Non, cette année, c'était un lundi, l'année passée, c'était un dimanche, donc leur public n'était pas le même. Et ils trouvaient que ça valait plus la peine de le faire un lundi. Voilà. C'est vrai, hein? Et ben. En temps normal, là, la marmotte, en plus, elle s'est sortie boudinée. Donc, en théorie, toute cette petite froideur devrait disparaître d'ici quelques temps. Merci de nous renseigner là-dessus. Ben, j'espère qu'elle va disparaître, pas frisquée. Ensuite, il y a un emballage d'œufs, deux. Hein? Ouais. Qui ressemble à un genre de petit matelas pour vos œufs. Hein? Ouais. Un matelas de carton, si on veut, qui va donner à vos œufs un degré de protection additionnel. Donc, c'est un design du Rhode Island School of Design. Okay. Donc, un étudiant qui s'appelle Sichun Sun qui a inventé un design en carton qui résout le problème évidemment des œufs qui cassent quand on échappe notre emballage. Ça s'appelle le Egg 6, un carton d'œuf 2. Qui montre les œufs dans des petits ressorts de carton. OK. Dans l'emballage. Donc, le design utilise différentes épaisseurs de carton en spirale pour donner aux œufs assez de soutien pour les garder en sécurité, tout en permettant l'élasticité de bouger à l'intérieur du carton lors du transport. Le prototype n'est pas en vente en ce moment. Pas difficile d'imaginer que ça pourrait venir un jour, même si ça doit coûter vraiment cher à produire. Moi, je pense que ça pourrait exister. Sérieusement, là, c'est quoi la différence entre ça et ta boîte d'œufs originale? Il y a des ressorts de carton! T'as pas écouté, garçon! Ouais, mais... Non, toujours. Je suis sceptique. Ouais, non, je suis très sceptique. Ben, Caroline, toi, là, t'es tellement Thomas, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Thomas! Comme dans la... quoi, c'est le livre, le roman de Aurélie... La Bible! Oui, on m'a dit la Bible. La Bible, oui. Non, mais je sais pas, toi, tu bouges tes œufs tant que ça pour les casser? Je suis tout le temps en train de checker mes œufs, tu me connais pas. Non, juge-moi pas. C'est ça. Juge-moi pas. Voilà pour cet fait. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Désespéré, Tania. Ah oh, ouais, je suis vraiment désespéré là. Au nom de la pause, on parle du QTR en spectacle avec le porte-parole des Gun Mashup. Ouh! Et Caillotte, restez là. Vous êtes assez fou. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Rocky est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Rocky, ce lundi 15 février 2016. Dans quelques instants, on le dit, on va parler à UQTR en spectacle avec Eric Ayotte des Gun Mashup. Ça va être vraiment cool. Mais avant ça, une pièce de Panda Léon. Mm-hmm. Voici Retour. Au 89.1 FM. FM, ouais, pas mal sûr. Ouais. Ça, c'était clair. Ça ressemble à ça, en tout cas. Ouais. C'est ça? Ouais, là. Ah, 1,1. Ah, ouais. 1,1. FM en majuscule. Tout à fait. Bon, allez, on la pièce retour. Justement, on est de retour. Et Talia Baudin, petite vidéo que tu regardais, je veux que tu me l'expliques à la radio. Ah oh, oui, c'est pas très, très compliqué. Ouais. Mais peut-être, en fait, que si j'ouvre le haut-parleur, on pourrait entendre... De loin de même, on va de loin, de super loin. Attends, seulement on avait le micro de... magique, tu sais. C'est seulement. Ah, c'était cœur. Ah, ça, c'est de la radio. Ah, bon. Mais c'est quoi? Non, explique-le pas. Non, je vous explique. Non, je veux juste la trame sonore. À la radio, des vidéos virales, c'est... Mais je la laisse, là, la trame sonore, là, inquiète-toi pas. Okay, ouais. En fait, c'est un papa qui a son bébé sur lui dans un porte-bébé, puis il joue du piano, puis le bébé s'endort tout de suite. Parce qu'il joue Bonne Nuit au piano. C'est ce qu'il est en train de jouer. C'est juste vraiment cute, parce que ça prend pas 3 secondes et demie que le bébé dort. Ouais, lundi matin comme ça, ça pourrait aller très rapide pour moi aussi. Hein. Ouais, c'est ça. c'est ce que je me disais aussi. Merci Tania pour ce moment. Hey, ça fait plaisir. C'est mon côté Kéten. Pas mal Kéten, je trouve. Donc, on est avec Eric Ayotte des gars de Mashup. Bon matin. Hey, bon matin. Est-ce qu'on se met dedans pour le lundi matin, genre... Yeah, ben, c'est mieux que bonne nuit, en tout cas. N'importe quoi. Ouais, c'est ça. Mais lui, il y a du café, hein. Déjà, à partant, il y a une longueur d'avance sur nous. Merci, chasse-galerie. Tu gagnes pas mal. Donc, t'es là pour nous parler de Cuillère en spectacle qui a lieu mercredi soir. Exactement. Au Cégep. Au Cégep, oui, Cuillère en spectacle, au Cégep de Trois-Rivières. Mêlez-vous pas, la belle salle de spectacle qui est là-bas. 19h30, ça commence déjà. On ouvre les portes, je me trompe pas, à 19h30. Ça commence à 19h30. Soyez là d'avance, finalement. On a bien hâte de voir ça. Nous, on a commencé dans un concours amateur, si on veut. Fait qu'on est bien flattés d'avoir été approché pour être porte-parole d'un concours aussi là, amateur, mais au niveau de l'UQTR. C'est bien important pour nous autres de pouvoir être proche là, du monde, justement, d'où c'est qu'on vient. Fait qu'on est bien content de pouvoir se coupler à cette session-ci. Toi, tu as étudié ici à l'UQTR. Est-ce que tu as déjà participé au concours? Non. En fait, je faisais même pas de musique quand je faisais mon bac. Okay. J'ai terminé mon... Ben, ouais, c'est ça. J'ai finalement commencé sur le tard, en fait. Je suis plus retardé qu'imposteur, je te dirais. Non, mais regarder ça aujourd'hui, j'ai vu les auditions, puis c'est pas la première fois que je viens voir que tu es en spectacle non plus. Puis j'ai des petits, pas des regrets, là, mais disons que si c'était recommencé, comme dirait mon grand-père, ben je le ferais. Ah, OK. Je le ferais, je m'essayerais, je me lancerais dans le vide, je me serais inscrit. J'aurais au moins fait des auditions, puis après ça, je me serais fié au jugement des juges, parce que c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Ben oui. T'aurais pu être juge toi-même aussi. Oui, ben j'ai déjà été juge, mais d'un niveau secondaire en spectacle, en fait. J'ai déjà été jury, coach et des trucs comme ça. J'ai vraiment aimé ça. Okay. Mais c'est une belle organisation, pour vrai. C'est super le fun. Ça donne... c'est un beau complément aux études. Ça te permet d'aller explorer d'autres univers, d'aller toucher au milieu artistique. On n'a pas toujours la chance d'avoir une salle, un micro, une audience pour se faire écouter. Je trouve que c'est vraiment ça qui est important dans cet événement-là, justement, de donner la chance aux gens d'au moins l'essayer, d'aller justement de sortir du cadre académique puis d'aller s'essayer sur une scène dans un beau cadre. Moi, je trouve ça vraiment important comme concours. Puis c'est le fun que ça continue encore et encore et encore et encore et encore. Puis là, tu sais, vous êtes porte-parole, le groupe au complet ou juste toi? Ben, le groupe au complet, nécessairement. Je veux dire, c'est pas Eric Ayotte et les gars de Mashup, c'est les gars de Mashup, mais comme on peut pas tous parler en même temps. Ah non? On a essayé. Je suis le délégué. Je suis le délégué pour représenter le groupe, mais c'est vraiment le groupe là, qui est porte-parole. C'est pas moi personnellement. Mais vous servez à quoi en tant que porte-parole? Vous n'êtes pas juste à la radio, ouais, c'est fou pour parler. Ben, on va faire une belle grosse performance. Pendant que les juges délibèrent, en fait, on va remplir, hein? On va remplir vos oreilles. On va remplir vos oreilles de nos plus récentes, toutes nos plus récentes chansons. On va tout faire ça. Fait que ça va, ceux qui nous ont déjà vus en spectacle à la Chasse-Galerie l'année passée, par exemple, ben, vous pouvez nous voir, là, vous ne serez pas déçus. Vous allez pouvoir profiter là, du critère en spectacle et d'une performance de 30-40 minutes environ là, pendant que les juges délibèrent. Puis s'ils ont besoin d'une heure, bon, on va faire une heure. On est comme Jean-Marc Parent. S'il faut défoncer, on va défoncer. Hey, hein? Ceux qui ne savent pas, c'est quoi les gars de mash-up? Là? Ouais. Moi, mettons, je joue le rôle de l'ignorant au auditeur. C'est quoi ça? Les gars de Mashup, c'est 5 chummés dans la vie qui ont commencé à jouer de la musique dans un sous-sol pour le plaisir, en fait, comme tout le monde devrait faire. Et puis à Barney, il y avait un concours qui s'organisait au Zenob, au centre-ville ici, Open Mic, que ça s'appelait. Puis on a décidé de participer pour le plaisir parce que ben de nos amis qui nous disaient « Ah, ce serait le fun! » Fait qu'on a fait ça, puis on a eu une super belle réaction. Fait que de fil en aiguille, comme ça, ben, on a monté nos propres compositions vraiment solidement. On fait des Mashup aussi, qui est un beau concept là, où on prend des chansons classiques que tout le monde connaît québécois parce qu'on chante en français. Et puis on les remixe d'une autre façon. C'est juste des petits bouts de paroles qu'on prend, qu'on emprunte, qu'on chante d'une autre façon. C'est un autre rythme, d'où le nom du groupe en fait. Et puis ben c'est ça, c'est une gang de joyeux lurons qui font du rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Ou en français, du rock ludique. Oh. Okay. C'est-à-dire qu'on fait du rock et puis on prend pas au sérieux, on essaie d'avoir bien du fun, de rire et d'avoir beaucoup d'interactions avec le public, c'est bien important avec nous autres. Fait que là, c'est une première expérience de salle aussi, okay. Assise. D'habitude, on joue dans les bars où les gens sont plus titubants que assis sur un tiban. C'est pas pire, hein, pour un lundi matin. Alors, c'est ça, fait qu'on a bien hâte de tout ça, finalement. Je sais pas où je parlais, fait que je te relance la poque. Hey, merci, merci. tu me disais, genre, tantôt, bon, tu sais, il y a des gens qui me gossaient pour que je participe au Open Mic, oui. Au c'est de même que les gens participent à des concours depuis toujours. C'est faut que tu te fasses talonner un petit peu. Ah oui, vas-y, écoute un spectacle. Vas-y. Ben oui, ben on a pas toujours tendance à vouloir se mettre dans une situation précaire où, tu sais, quand on se lance sur scène, on se met un peu à nu devant le public. Fait que je peux comprendre des réticences, mais pourtant, c'est tellement valorisant de pouvoir faire un spectacle comme ça, d'aller s'essayer, d'aller montrer aux autres à regarder. Oui, bon, peut-être que j'ai étudié en philosophie, mais je suis capable de jouer du violon puis de faire frissonner tout le monde, tu sais. On parle de Jean-François Veilleux dans ce cas-ci. OK, ah, oui. C'est vrai, exactement. non, mais je visais pas personne, mais au contraire, je veux dire, c'est super important justement de se lancer puis de nous-mêmes vivre d'autres choses là, au travers les arts de la scène comme ça. Ouais. As-tu vu un peu les numéros qu'il va y avoir cette année? Je les ai pas tout vus parce que ben, j'ai vu les auditions, mais j'ai pas tout vu tout le monde en fait. Mais si je me trompe pas, il y a 6 numéros. Quelque chose comme ça? Oui. Ouais. Hein? Oh, je vous confirme. Ouais. On me confirme, hein, Tania confirme que ouais, oui. 6 numéros, puis ça va un peu dans toutes les directions. Il y a de la musique, il y a aussi des trucs un peu plus artistiques. Les ondes chinoises. Ouais, c'est ça, mais je voulais pas le dévoiler, mais ça a l'air qu'on a le droit. Ça a été dit la semaine passée. Ah, ben, j'étais pas sûr. Ouais, tu vois, moi, j'étais prêt à faire des mystères. Oh, oh, oh, on me garantit comme spectacle. Venez nous voir. T'es drôle. Donc, c'est une belle soirée qui s'annonce mercredi, tu l'as dit, c'est au cégep de Trois-Rivières, avec vous en plein milieu, comme un genre de... Vous êtes comme la crème à lécher. Oh, c'est si bien dit, dans le Oreo. On est le Louis du Joe Louis. Ah, oh, et voilà. Oh, je savais pas que c'était nommé en hommage à son Louis. C'est ça, on pourrait dire aussi qu'on met le fun dans Funky. Oui, ça, ah, ça oui, tu l'as déjà prêt, dit pour, oui. Pour ton groupe de musique, en effet, puis je trouve que ça va être sens de dire ça comme ça. Ça va être rock, ça va être ce que vous allez faire, vos classiques, là, vos nouvelles tunes, ça va être rock, ça va être plus... Il y a un petit affaire plus, mais on c'est pas plus balade, mais on a des tunes un peu plus où on demande vraiment là, au public d'utiliser leur corde vocale avec nous, donc okay. C'est un peu plus rassembleur. Mais c'est sûr qu'on va faire les chansons qui nous collent à la peau, comme le troc de la shop qui est numéro un, c'est fou pendant je sais pas combien de semaines. Il y a des trucs comme ça qu'on peut pas passer à côté parce que nous-mêmes, on aime beaucoup, beaucoup les faire. Et puis là, dans le cadre aussi du cégep de Trois-Rivières, la scène, l'éclairage, tout ça nous permet d'aller un petit peu plus loin. Fait qu'on a pensé à des petites mises en scène ici et là pour agrémenter le spectacle, mais oui, ça va être, il va y avoir beaucoup de nouvelles chansons, donc même pour les gens qui nous ont jamais vus, ils n'auront pas de différence de toute façon, mais pour ceux qui nous ont vus, pour ceux qui nous ont déjà vus, ben, il va y avoir du nouveau, donc pour ça, on est bien contents aussi. Oh, c'est le fun, ça, c'est très intéressant. Mais ça, puis autour du show, ben, il va y avoir l'animation de joueurs de la Luitre, d'improvisation qui vont animer la soirée autour, donc le début, la fin, autour de la télé d'antan. Sur des petits sketchs de votre télé que vous regardez quand vous étiez jeune, vous autres, les jeunes. Ben oui. Les jeunes. Mais vous devez avoir pas mal la même âge, vous deux, là. On peut-tu prolonger de sujet immédiatement? Mettons, on va juste pas dire ton âge de toi, d'être ouais, non, c'est bon, c'est correct. Parce que ça pourrait être un peu gênant. Ouais, c'est la télé d'antan, tu sais, c'est quoi, c'est... Attends, qu'est-ce qui est en onde encore? C'est Unité 9, genre, télé d'antan pour toi. Mais non, non, parce que en fait, j'écoute même pas Unité 9, premièrement. Deuxièmement, ça existait pas quand j'étais jeune. Là. Moi, j'écoutais... C'est une blague pour dire que t'étais vraiment jeune. Veux-tu bien arrêter? Je sais, mais... Bon, mais t'es-tu correct. Plus Pokémon ou Digimon? Parce qu'il y a une génération. Là. Ni un, ni l'autre. Parle-moi de ça, that's my girl. Mercredi soir, 19h30. C'est jeune Trois-Rivières. On pourrait parler bébé longtemps, mais on pourrait aussi écouter de la musique des gars de Mashup. Hey, on pourrait faire ça. On peut faire ça. Mettons, mettre l'eau à la bouche. Sur les auditeurs. Le succès numéro 1 de C'est fou pendant plusieurs semaines X nombre. On pourrait faire ça parce que là, on sait jamais. Nous, on a un deuxième album qui s'en vient. Hein, fait que des fois, là, qu'on l'entendrait plus parce que le deuxième album va l'éclipser. Puis peut-être qu'après ça, on reviendra pour en mettre une autre. On sait pas. Peut-être. On va essayer. On va faire à la fois. On va essayer. Demandez-nous pas. On aime tellement ça. On décroche la lune. C'est ça. Il y a un carrière, on voit bien. Comme on va dire, qu'est-ce que ça veut dire? Comme on dit. Oh, il fait frais ce matin. Non, c'est mon ventre, ça, excuse-moi. Vous êtes juste. Mais tu vois qu'on le truc est déjà loadé. Mais les gosses sont encore arrivés. Faut la bête qui se grille, le truc bien loco. Mais s'asseoir comme un pour faire un assez chaud de boucan. Avec les gars de mash-up. Avec les gars de mash-up. Ha ha ha ha. qui est déjà stallé. Oui, c'est Frank qui l'a pas tanké. Ben, c'est toi qui pousse, man, c'est ben plate. Mais tu vas t'user sur l'asphalte. 2, 3, 4, approchez-vous du truck. Du truck, des guns de chat, parfois la veille et à volaille. Ah, on va caler des chats, ça veut qu'approchez-vous du truck, des guns de chat. Faudra bien manger, mon rapport une scène de payer. Ni une ni deux, faudra bien qu'on souffre. Avant que la serveuse finisse sa pause avec les gars de ma chambre. Avec les gars de ma chambre. Pousse trop fort, pis on défonce le mur du bar. Au bas, c'est bien notre lock. On veut plus le stage, j'irai juste le truck. 2, 3, 4, approchez-vous du truck. Du truck, des gars, machin, passons à la veille et à votre aide. Hot, puisqu'il y a le monde jusqu'à pas. Ça fait qu'approchez-vous du truck, des gars, machin. Avec la broche. La broche. Approchez-vous du truck. Du truck, des gars de machin. Parfois la veille et à votre aide. Hot, on va caler des chats. Pour des femmes, gardez nos culottes. Mais c'est pas garanti. C'est pas garanti. C'est pas garanti. Les gars de ma shop, le truck. Oh, faut dire, excuse-moi, faut dire El truck de la shop. Le truc de la shop. Le truc de la shop. Assemblage Rick. Toujours avec Eric Ayotte du groupe Les Gars de ma shop. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, il s'est pas encore couché, c'est pour ça. Ah, j'aime. Porte-parole. Il porte beaucoup de paroles. Parce qu'il connaît les paroles de ses chansons par cœur. Bon, non, non, non. Du coup, en spectacle. C'est encore drôle. C'est ça. T'as ton iPad avec toi, t'as ton petit carnet de notes, ton petit. J'ai tout ça. J'ai mon iPad, mon iTouch, mon cahier de notes. Ton tatou sur le bras. Aussi. C'est ça. Bref, le il spectacle. Il se dénude pendant la longueur du spectacle. Puis plus il se dénude, plus il y a des paroles sur lui. J'ai un tatou en forme de feuille de cartable. Puis j'écris mes paroles dessus. Je change une fois de temps en temps. Au plomb. Et voilà. Fait que ceux qui seront à la fin du spectacle, vous aurez peut-être. Strip chanson, du strip. C'est ça, t'as tout compris. C'est à chaque chanson, il y en avait un morceau. C'est parfait, génial. Donc, ça, c'est mercredi soir. T'as dit qu'il y avait une pratique ce soir, mais c'est pas public, fait qu'on dira pas. Ben non, mais on pratique entre nous autres là, dans un vieux sous-sol. Ben, tous les sous-sols sont vieux au centre-ville, mais nécessairement, on n'invite pas les gens à nos pratiques. Mais cogner à chaque porte de sous-sol. Des pour les trouver. Quand on bonne chance. Ben, si vous êtes dans le coin de l'hôpital Saint-Joseph, ça se peut que vous entendiez nos chansons provenant de sous l'asphalte. C'est chaud. Ils pratiquent dans l'hôpital. Oui. Ah. Dans l'aile psychiatrique. Exactement. La musique de malade. C'est ça. Comme là qu'on enferme nos guitaristes. Combien est-ce que ça coûte, ce UQTR en spectacle? Je me demandais ça, moi, demain. En pré-vente, à l'UQTR, c'est 10$. À la porte, c'est 15$. Mais je crois qu'on peut avoir des billets si on va sur la page de l'événement Facebook. Okay. Qui est UQTR en spectacle édition 2016. Et puis, vous allez trouver les informations pour contacter les gens pour avoir le billet en pré-vente. Parce que vous pouvez aller voir quelqu'un qui est participant au spectacle et eux, ils ont des billets. Les gars de Mashup n'ont pas eu ce privilège-là. Eh ben non, on n'en a pas eu. Ben, je suis sûr qu'il y a moyen. Si vous m'appelez pour avoir des billets, je suis sûr que je suis capable de vous en trouver des réservés. Là. Je veux dire, je connais les organisateurs des blogs. Non, mais sérieusement, on n'a pas de billets nous-mêmes à vendre, mais moi, je suis convaincu qu'il va y avoir suffisamment de place de toute façon. Mais si vous voulez sauver 5$, il vous reste 3 jours. Hein? Ben, 2 jours. Oui, et demi, oui. Oui, ouais, reste pas long. Reste pas long. Mais il y a la page de l'événement, mais il y a la page du QTR en spectacle aussi, là, où il y a un autre complément d'information. Hein? Les deux, il faut voir les deux. Oui, il y a comme deux pages. Oui, mais il y a l'événement qui va disparaître. puis il y a l'autre page qui, elle, non. C'est ça. OK. OK. C'est ça. Ah, j'aime ça, moi, va te faire voir, puis le logo, puis tout. Moi, j'étais en communication au bac quand que le gars, Gabriel... Raymond a fait le fameux visuel. Je suis bien content que ça reste. C'est le même. Ça me rajeunit pas, là, mais c'est parce qu'il est parfait. Il est parfait, ce visuel-là, c'est excellent. Ouais. Mais je pense que légalement, ils doivent pas avoir le droit de le changer. Légalement? C'est quoi, le gars est mort? C'est... Non, mais, il a son nom dessus. Il l'a fait laminer. Il a laminé le site. Exact. Que cette web est laminée, c'est comme l'enlever. Comme Tweety Bird disait, je crois que j'ai vu un laminé. Oh my God. Hamburger! C'était pas mal. Hamburger! Mercredi soir. Tucker Job! Eh boy! Tucker Job! On s'en a dit pour du café, ils ont aussi. Ouais, parce que oui. Ça. Parce que... Ah, il est bon. Il est bon, hein, c'est la chasse galerie. Prends-tu du doux ou du velouté, toi? Moi, je vais au corset, moi, en fait. Je sais pas de quoi tu parles. Est-ce que tu savais qu'il y a plus. Oui, mais il y a plus de caféine dans le velouté et à la chasse galerie. Oui, je sais, mais c'est le goût. Ah, OK. Nous autres, on prenait le corset avant, puis on a comme transitionné graduellement vers le. C'est ce que nous, on avait besoin de caféine. C'est ça? Puis, comme les gens qui prennent un espresso puis qui pensent, oh, c'est plus de caféine! Non. Non. Vraiment pas. Parce que tu prends l'allongé, ça goûte l'eau, tu sais. C'est ça. Tu sais, quand tu fais americano, remplis le verre au complet. C'est dégueulasse. Moi, c'est pas très bon. Ça a été inventé parce que c'est américain. Tu connais ça, hein, café, Eric? Oui, ben c'est le même qu'on s'est connu, hein? Ben oui. Attends, on parle trois en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ben là, Eric et moi, ouais, c'est ça. Hey, suivez-vous donc, hein? Ah, wow, la main dans le milieu de la table, c'est beau. Romantique. Mais, hein? Ouais, c'est parce qu'Eric a été barista. J'ai fait oui. Ça, moi. Pied bariton. Avant d'être artiste. Ouais. Avant d'être tartiste, je servais des muffins et des cafés. Badidon, hein, ce qu'on en fait des choses dans la vie. Mais oui, j'ai été un morganeux pendant très longtemps. C'est j'ai rencontré Mme Baudouin avec. Et voilà. Avec Baudouin, pardon. Baudouin. Avec son pépin. Oui, mon pépin. Il la connaît bien, mais il connaît pas trop mais son oui, non, nom. Mais c'est lundi matin. Mon café, j'ai pris trois gorgées. Il l'a pas encore fini. C'est ça, parce qu'il faut dire quand même, Eric Ayotte, à chaque question qu'on lui pose, pense qu'il a le temps de prendre le café. C'est vrai. Il parle aussi vite que lui. C'est ça qui arrive. Je sais pas si c'est à cause de la musique de guitare en arrière qui joue. Peut-être. Mais on dirait que ça a l'air à la cadavre. Ça, ouais, c'est ça. Mais ça me, Morgan, ça me rappelle le groupe de musique Morgan Mood. Non, c'est pas vrai. Hein? C'est Morgan Mood, ça, je pense. Fallait être là pour ouais. Les racines. Non, c'est ça, fallait la comprendre. Fallait être au. Ça va bien aller, Mathieu. Ça va bien aller. Si, mettons, vous voulez écouter une chanson autre que celle qu'on a écoutée tantôt, parce que je te mettrai pas la même chanson une deuxième fois, qui est présentement sur ton Bandcamp, le Bandcamp du groupe Les Gars de Mashup. Mettons, t'as le choix, là. Entre 8 chansons, 7 chansons. Mais je te fais une primeur parce qu'il y a bien du monde qui trouvait pas c'était où Bandcamp, fait que je les ai toutes mises sur YouTube. Shit! Fait que, non, mais tu sais, tant qu'à faire. Ouais. Mais moi, il me semble, là, on n'est jamais trop de fun dans la vie. J'aime ça quand c'est lui. Moi, je dirais vieux cowboy. J'aime bien cette chanson-là, moi. Est-ce que ça parle du cowboy du centre-ville? Non, pas du tout. C'est une petite ritournelle de mon cœur. OK. Bon, on aime mais, ça. Mais le cowboy est très sympa. J'ai déjà dansé avec lui plusieurs fois au centre-ville en tant que personnage de Laurie Hamel, mettons. Mm-hmm. On parle d'autre chose. Ah oui, Laurie Hamel. Mais quel. Mais parlons-en quel longtemps de Laurie Hamel. Ben oui, elle a eu un bel article dans le Journal de Montréal ce week-end. D'ailleurs, ma face n'était pas là. Je sais pas pourquoi. Eh hey boy. Ben, t'es censé la vedette. Ben, je dois être trop lettre. Moi, je me dis, c'est parce que j'étais trop lettre. T'as pas bu le café encore. C'était ça. C'est mais vieux cowboy, il y a tout numéro 5, je me trompe. Ben, tu sais, c'est moins super important pour l'auditeur. Mais on rappelle que vous pouvez tout aller voir sur YouTube. Oui, c'est ça, c'est sur YouTube. C'est gratis. Vieux cowboy, les gars de mashup right now. Ah, ça me là, là. Là, prends-le ton café. OK, good. Okay. Merci. Delicious. Un matin, quand je me suis levé, j'ai pas brossé mes dents. Mais y'a des jours comme ça où tu te sens pas vraiment étincelant. C'est un petit matin où tu trouves que tu sens aussi mauvais dehors que en dedans. Mais je sais pas quoi y dire, je sais pas comment y dire, j'ai vraiment peur de la faire fuir. Mais je sais pas quoi y dire, je sais pas comment y dire, moi je voulais juste la faire rire. Moi ben je me sens comme un vieux cowboy, moi trop pis sous pour jouer aux Indiens. Chicka chicka pow, chicka chicka pow, chicka chicka pow pow t'es mort. Mauvais dehors, ok, que l'endemain. Je sais pas quoi il dit, je sais pas comment il dit. J'ai vraiment peur de la faire fuir. Je sais pas quoi y dire, je sais pas comment y dire. Moi je voulais juste la faire rire. Moi ben je me sens comme un vieux cowboy. J'ai trop pis sous pour jouer aux Indiens. Moi ben je me sens comme un vieux cowboy. J'ai trop pis sous pour jouer aux Indiens. Oh, chicka chicka bow, chicka chicka bow, chicka chicka bow, bow him out. Chicka chicka bow, chicka chicka bow, bow to mow. Chicka chicka bow, chicka chicka bow, bow to mow. Sinon je joue plus. Chicka chicka bow, chicka chicka bow, bow to mow. Sinon je joue plus. Vieux cowboy, les gars de Mashup à Assemblage Rocky. On rappelle que UQTR Spectacle, dont ils sont porte-parole, c'est mercredi soir au cégep de Trois-Rivières. Oui, pour 10$ ou 15$ à la porte, 10$ en pré-vente. Information sur Facebook. Information sur Facebook. Au retour de la pause, Samuel Girard va être avec nous. Vous êtes assis, vous êtes assis. 89.1 Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Rocky, on se lundi 15 février 2016, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Mmh, as-tu vu qui est là? Oui, il est à ma droite. Yé, yeah, c'était-tu comme un yé comme dans yé? Ou un ben yé comme dans yé, t'es à ma droite? Oui, yé, t'es à ma droite. Wow, t'as l'air d'être excité de le voir, hein? Hey, allô, Sam! Ah! Hello! Yé, yeah, c'est Samuel Girard avec sa chronique qui commence maintenant! Samuel Girard, salut à toi! Bon matin! Bienvenue parmi nous! Oui, donne-moi juste quelques secondes pour que ma mâchoire dégèle, là, puis après ça, ça, je devrais parler de manière plus fluide un c'est peu. C'est pas chaud! Les autres qui partent pas en plus ce matin. Oui, c'est ça, c'est exactement. Puis ça a l'air que mes capacités d'ingénieur, ben, ça a ses limites quand il fait environ moins 25, moins 30. T'es pas magicien non plus, quand non, même. Non, c'est ça, non, exactement, je suis pas magicien et je trouve pas de remède miracle pour tous les petits problèmes du lundi matin ou voilà. De n'importe quel matin qui fait froid ou ce qu'on veut. Dans la vie, c'est ça, dans les problèmes. Oui, problème de la vie en général. Donc, parle de problème de la vie en général, t'as sûrement un problème contre quelque chose parce que t'as une opinion sur un sujet et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ben, étonnamment, ce matin, je vais un peu faire comme tu fais dans ma toute première chronique de 2016, c'est-à-dire je vais regarder un sondage. Ah, yeah! Ah. Ouais, donc peut-être un peu moins d'opinion ce matin et un peu plus de chiffres. OK, des faits. Ouais. Ben, encore là, des faits. Tout est dans la méthode d'acquisition des données, là. Et on peut faire dire des choses. Et l'interprétation, voilà. Exactement. Donc, ça va être ça. Donc, ça va être plus de l'interprétation que des faits. Mais bon, on va y aller comme ça. On est prêt pour toi. C'est ça. Donc, le dernier sondage dont je vous avais parlé de la firme Léger, c'est un sondage qui avait été fait en novembre dernier. J'avais commencé l'année avec ça pour ma chronique dans l'émission. C'était quand même majeur, pas mal. Novembre, c'est récent. Oui. Sauf que là, c'est celui de la semaine passée. Oui. Donc là, on est encore plus à jour. Tight. C'est ça. Qu'est-ce qui est bien là-dedans, c'est que ça fait parler plusieurs sujets d'actualité. Mm-hmm. Et en même temps, ça fait remettre en question certaines choses qu'on pensait pourtant acquises, okay. Entre guillemets. Donc, première page que j'ai ici, c'est les intentions de vote des Québécois. Eh bien, croyez-le ou non, le Parti libéral est à 36% d'intentions de vote, Parti québécois 29%, la Coalition Avenir Québec 21%, Québec solidaire 10% et les autres partis 5%. Okay. Là, moi, je suis complètement navet en politique provinciale. Okay. Est-ce qu'il y a l'élection qui s'en vient bientôt? Là? Non, dans deux ans. OK, on pose cette question-là juste pour le fun. C'est ça. C'est juste pour faire comment mise les à jour. Gens se sentent. Okay. C'est ça. La question, c'est si les élections avaient lieu aujourd'hui, pour qui voteriez-vous? D'accord. OK. OK, c'est toujours dans ce contexte-là. Je suis. Mais il y en a encore deux ans avec les élections. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui vont dire que c'est insignifiant comme sondage. Oui. Surtout qu'on n'en parle pas beaucoup. Les gens se tiennent moins au courant. Donc, ça représente quoi quelqu'un qui dit « je vais voter pour tel parti » Ouais, parce que tu votes, dans le fond, sans vraiment être au courant de leur plateforme ou de qu'est-ce qu'ils vont faire ou veulent faire. C'est ça, c'est le même principe. Les gens vont plus suivre ça quand on est en période électorale. Ouais. C'est comme un peu que les gens suivent plus le football quand on approche le Super Bowl. Exactement. C'est le même principe. Donc, c'est ça, ça donne ça. Ce qui est particulier là-dedans, c'est que on remarque une chute libre du Parti québécois de Pierre-Carl Péladeau. Ah! Pierre-Carl Péladeau qui a eu de la difficulté dans les dernières semaines. Bon, les histoires de son divorce, il y a eu les histoires des paradis fiscaux. Reportage très douteux de Radio-Canada, selon moi. Parce que, je veux dire, paradis fiscaux, premièrement, je suis pas sûr qu'il ait utilisé des paradis fiscaux. On parle c'est plus... C'est le terme paradis fiscaux que t'aimes pas? Ou? Pour moi, le terme paradis fiscal, c'est illégal. OK. Alors que Pierre-Carl Péladeau semble avoir utilisé toutes les manières légales de sauver de l'impôt. Il a contourné des règles, peut-être, non? Ben, c'est ça. Comme c'est n'importe ça, okay. qui va avoir un conseiller qui va te dire comment placer ton argent, comment investir dans telle entreprise, telle affaire pour avoir des déductions d'impôt. C'est profiter de la façon que le système est fait. Exactement. Okay. Donc, c'est légal. C'est de jouer sur la limite. Voilà. C'est ça. Zone grise. C'est ça. Mais ouais. C'est pas illégal. Ouais. Tout le monde qui a une grande fortune fait ça. Les joueurs de hockey, exemple, prenez les joueurs du Canadien ou les joueurs des Sénateurs d'Ottawa, font toute affaire avec des experts en la matière qui leur expliquent comment, même s'ils sortent au Canada, sauver beaucoup d'impôts. Mm. Donc, c'est de même que ça fonctionne. Et il y a certains chroniqueurs qui utilisent l'expression « s'il y a des paradis fiscaux, c'est qu'il y a des enfers fiscaux ». Okay. C'est une manière de voir les choses. Moi, je vois aussi que parfois, de la manière dont on voit le gouvernement dépenser notre argent, moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui la dépensent mieux en la gardant dans leur poche que quand ils la donnent au gouvernement. Ouais. Ça, c'est du cas par cas. Et comme disait Julie Snyder, l'enfer fiscal, c'est nous autres. Oh! Je suis pas sûr qu'elle ait dit ça. Elle encourage beaucoup le modèle actuel où faut payer beaucoup d'impôts. Mm-hmm. En tout cas. Donc, Pierre-Carl Péladeau qui a eu quelques problèmes. Donc, évidemment aussi, son manque d'expérience, entre guillemets, politique, lui fait faire des erreurs. Mais pourquoi tu mets entre guillemets? Est-ce qu'il y en a de l'expérience politique? Ben, c'est pour ça que je mets entre guillemets parce qu'à quelque part, ça fait plus que deux ans qu'il est là. OK. C'est pour ça que je le mets en guillemets quelque part. L'expérience devrait commencer à rentrer. Il est quand même chef de son parti. Ouais. Bon. Peu importe, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que ça a fait baisser le Parti québécois de 3% par rapport à novembre dernier. Le Parti libéral a gagné 1%. La Coalition des Québec a gagné 1%. Et étonnamment, les partis autres, mm-hmm. donc on peut mettre Option nationale, on peut mettre le Parti conservateur du Québec et tous les autres petits partis qui sont pratiquement insignifiants, ils ont fait un gain de 2%. Ah, oh, quand même. C'est non négligeable à ce point-là. 2%, c'est parti de 0,01 pour aller... Non, c'est parti de 3 à 5. OK, quand même. Ouais, c'est ça. Donc, le Parti québécois, ça va pas bien. Mm-hmm. Et malgré tout ce qu'on entend, les problèmes avec l'austérité, la mauvaise gestion, gaspillage de fonds publics, puis nommez-en autant que vous voulez, le prochain gouvernement pourrait être encore le Parti libéral de Philippe Couillard. Mm-hmm. Je trouve ça un peu particulier. De voir, premièrement, le taux d'insatisfaction est très, très élevé envers le gouvernement actuel, ce qui est parfaitement comprenable que vous soyez de gauche, de droite, de centre, comme vous voulez. Ils l'ont juste pas. OK? Les gens ont tout le temps des reproches à leur faire, peu importe sur quel côté ils sont. Et malgré tout, c'est le parti qui se maintient le plus haut. Et ils ont même gagné 1% par rapport au dernier sondage. C'est ça. Donc, ça soulève des questions. Est-ce que ça veut dire que les deux autres partis d'opposition, donc la CAQ et le PQ, est-ce que ça veut dire qu'ils sont mauvais au point que même si les libéraux font n'importe quoi, c'est quand même mieux que... Ouais. Ça peut être fort dit comme ça, mais à quelque part, ça veut dire ça. Est-ce que les deux partis d'opposition sont bons, mais ils savent pas comment faire passer leur message? Mm-hmm. C'est spécial un peu dit comme ça. Mais même moi, je peux pas répondre à la question parce que je comprends pas ce phénomène-là de rouge tapissé partout. Ou est-ce que c'est parce que les gens ont une tradition et votent tout le temps du même côté et peu importe... Je pense que c'est ça beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de ça. Et il y a aussi le fait que les bons politiciens, souvent, encore là, je mets bon entre guillemets. Faut les voir, entre guillemets, mais ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas, je le dis. Surtout à matin, on dirait. Ouais, hein. Donc, ce que je remarque, c'est qu'il y a des politiciens, on dirait, qui se bouchent le nez et qui préfèrent se présenter pour le Parti libéral plutôt que de se présenter pour le parti qui rejoint le mieux leurs convictions, parce qu'ils savent que de toute façon, de la manière que ça fonctionne actuellement, c'est juste aussi bien d'aller du côté des libéraux. Tu penses qu'il y en a plusieurs qui font ça? Ben, on a des exemples récemment. Il y a Dominique Anglade qui est passé de la CAQ au Parti libéral. Sinon, qu'est-ce qu'on a vu? Un ancien de l'ADQ qui s'est présenté aussi pour les libéraux, il a été élu. Guétan Barrette qui était pour la CAQ, qui est rendu avec les libéraux. Bon, vous avez plein d'exemples comme ça de gens qui se sont juste bouché le nez puis qui ont dit ouais, « Moi, je veux faire de la politique. Ouais. Je veux aller changer les choses, donc je vais passer au parti. » Est-ce que c'est ça ou c'est simplement un changement de façon de voir les choses? Je crois pas, parce que souvent, ces personnes-là se sont présentées avec la même façon de faire. Avec les mêmes valeurs, tu veux dire? Oui, mais avec le logo okay. du Parti libéral. C'est ça. Ils ont juste changé de logo. Ils n'ont pas changé leur façon de voir les choses et de vouloir faire les choses. OK. Il okay? y en a qui changent complètement, là. OK? On l'a vu... C'est le député qu'on a à Champlain actuellement pour le Parti mm-hmm. libéral. Lui, c'est un ancien de l'ADQ qui a changé pour le Parti libéral en plein mandat. Les gens l'ont sorti à coup de pied parce que c'était un transfuge. Ouais, c'est ça, il avait voté pour le parti. Puis là, il se représente quelques années plus tard encore pour les libéraux. Il passe sur la main. Ouais. Donc, il y a des gens comme ça, comme tu dis, que c'est carrément, ils changent de valeur puis ils s'en vont vers autre chose. Mais il y en a aussi qui sont tellement solo, si on veut, dans leur mm-hmm. façon de penser, qu'eux autres, tout ce qu'ils font, c'est se présenter pour une bannière, puis ça va se chialer à l'interne, mais c'est pas grave, ils sont là pour faire valoir leur point. Sûrement du monde qui serait indépendant si la façon de faire indépendant pouvait fonctionner, parce qu'ici, on dirait qu'il n'y a pas de candidats indépendants qui peuvent tellement se ressortir du lot. Ben exactement. C'est quel le dernier qui a passé? C'est au fédéral, c'est André Arthur, je pense, le dernier indépendant qui a réussi à passer. On a failli. C'est une vedette, il faut dire. Ben, c'est pas ça. N'importe qui. Ça. C'est ça. Le dernier qui a failli passer au provincial, c'est Jean-François Mercier. Okay. Il s'était présenté, il avait fini avec un très, très haut score quand même. Okay. Mais ça n'avait pas été suffisant pour l'emporter contre quelqu'un qui avait juste mis sa face sur une pancarte pour un parti. Là. Mm-hmm. Donc, tu sais, ça, comme tu dis, ça donne un. Même quand tu te présentes comme indépendant, même si tu as déjà une certaine notoriété, c'est pas nécessairement. En tout cas. Donc c'est ça, donc là ça c'est pour les intentions de vote. Êtes-vous plutôt insatisfait ou très insatisfait du gouvernement du Québec dirigé par Philippe Couillard? Donc totalement satisfait 29%, totalement insatisfait 62%. Mais on fera encore élire un parti libéral. Mais tu sais, de répondre, t'as dit le premier, c'était très satisfait ou satisfait? En fait, ça inclut très satisfait, plutôt satisfait, puis après ça, pour les insatisfaits, ça l'inclut plutôt insatisfait, très insatisfait. Okay, parce que si tu sais pas de quoi tu parles, si t'es pas au courant du sujet, la plupart des gens, je crois, pour pas avoir l'air cave, c'est ça, pour pas dire genre je suis pas au courant puis je ne sais pas, ils vont cocher la case satisfait, là, je m'en fous, t'as. Non? Ben, pourtant, je ne sais pas a 8%. Ouais, mais ça, c'est ceux qui osent dire « je ne sais pas ». Ouais, c'est ça. C'est pas tout le monde qui est capable de dire qu'ils savent pas quelque chose dans la vie. Effectivement. Ouais, surtout du côté politique. C'est ça. Ouais, moi, je suis le premier à le dire « je ne sais pas ». Je répondrai ça sûrement à chaque question. Mais, mais c'est ça. Mais t'as raison, il y en a sûrement qui vont vouloir faire « je connais ça, je vais répondre », alors qu'en tu fait… Tu vas vers le milieu, pas les extrêmes, vers le milieu. Ça, tu fais « ouais, mais ça peut pas juste être parce que… mettons, les Québécois ou les Canadiens veulent être dirigés par les libéraux, mais ici, au Québec, ça fonctionne pas nécessairement de la même façon que ça va fonctionner à la grandeur du Canada. Donc, de ce côté-là, oui, on va dire qu'on veut les libéraux, mais qu'on est insatisfait de ce qu'ils font au Québec. Oui, c'est ça. C'est comme si on voulait absolument les libéraux, mais qu'on n'aimait pas leur façon de faire. On voudrait qu'ils fassent autrement. C'est comme un message à leur passer. Genre. Ben, c'est ça. Mais non, ouais. J'aime ça comme analyse. Parce que ça peut être ça aussi, que les gens sont bien avec un parti, mais on essaie de changer le parti plutôt que de changer de parti. Ouais, c'est ça. OK. C'est comme dans les couples. Essayer de changer la personne à la place de changer deux personnes. Oh. C'est de repartir à zéro. Oh! Hein? Oh! Hein, hey, c'est deux analyses de n'importe comment, mais c'est du sens. Mais, non, mais c'est ça. C'est peu importe de la manière dont on est en train d'amener ça, il y a de quoi aller chercher là-dedans. Ouais. Mm-hmm. Ouais, j'aime ça de la manière que vous venez d'amener ça. On a les autres chiffres ici. Donc, Philippe Couillard à 23% fera encore le meilleur premier ministre. Donc, malgré tout, c'est encore lui qui est en tête. Pierre Capelleau 17%, François Legault 15%, Françoise David 11% et les autres 5%. Aucun 16%. Ben ouais, mais ça peut-tu fonctionner, une province sans premier ministre, excuse-moi, un pays sans, en tout cas, bref, tu comprends. Oui, je comprends, ouais. Mais oui, ça pourrait fonctionner. Ouais. Parce que souvent, moi, j'ai toujours dit que le premier ministre est souvent une figure qu'on met à l'avant et non la personne qui prend toutes les décisions qu'on voit passer. OK. C'est le monde autour de lui qui prend les décisions. C'est ça. C'est d'elle. Souvent l'erreur qu'on fait, exemple, quand vous allez sur Facebook et vous voyez juste des pleins de memes ou de posts Facebook de gens qui insultent Philippe Couillard, alors qu'en fait, il sait sûrement même pas que ça s'est passé. Qu'il est au courant d'à peu près tout ce qui se passe pareil. Ben, j'espère, moi aussi, ouais. Mais honnêtement, pour avoir vu des gens un peu à cette. Pour des postes d'importance comme ça. Souvent, il y a beaucoup de choses qui te passent en dessous du nez et malheureusement, tu peux pas être partout tout le temps et savoir tout ce qui se passe, surtout pas quand tu gères une province au complet. Mais est-ce que t'as un genre de... Tu sais, on parlait l'autre jour, Talia me parlait de la reine qui avait un compte rendu dans sa petite valise rouge de tout ce qui avait eu lieu dans son royaume. Ah, je pense que c'est Jimmy qui nous parlait de tout ça. Est-ce que tu penses que Philippe Couillard reçoit une petite valise rouge avec un compte rendu de la journée, au moins? Ben, j'espère. Ici, il reçoit, j'espère qu'il lit. Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'il y a un meeting à chaque matin avec son équipe, là, puis veut pas, il doit avoir un côté communication puis un côté publicité qui lui parle à chaque matin. C'est sûr, mais j'espère qu'il se fait bien communiquer les choses. C'est ça. Parce que c'est facile qu'une gang de fonctionnaires prenne une décision et qu'on essaie de jeter des petites pétales de rose, de la belle décoration, pour qu'on mette ça content. Exactement. Puis après, la population chiale, puis qu'est-ce qu'on a comme réponse de notre premier ministre? C'est, ben, j'étais pas au courant, on va regarder la situation. Ouais. Tu sais, c'est des choses comme ça. Tu sais, je me dis tout le temps que la politique, c'est surtout c'est premièrement un manque de transparence énorme auprès de la population qui envoie tout l'argent pour gérer ce système-là. Malheureusement, c'est pas toujours un système idéal. Et souvent, comme je dis, les personnes qui sont le plus haut dans le gouvernement, c'est souvent juste des têtes d'affiche. Mmh. C'est d'autres personnes qui prennent les décisions puis qui font rouler la machine. Donc, c'est un peu triste. Sinon, on a la question du référendum. Le oui est en chute libre. Mm-hmm. Mais en même temps, le Parti québécois est en chute libre. Ça va ensemble. Donc, c'est ça que je me dis, ça va ensemble. J'aurais mal vu le sondage nous dire que le Parti québécois, ça monte, mais que le référendum, ça descend. Est-ce que c'est encore leur principale mission? C'est encore le projet 1. OK. Okay, ça bouge pas. Donc 35% pour, 65% contre. Donc c'est une chute de 4% par rapport à l'automne. Et c'est même une chute de 7% par rapport au printemps dernier. Ah. Donc quand même. Mais comme on dit, ça va comme le PQ va. Donc si le Parti québécois remonte dans le projet sondage, on va sûrement revoir le oui remonter. Donc c'est un peu spécial. Sinon, est-ce que le remaniement ministériel effectué par le premier ministre du Québec change favorablement votre opinion de la politique? Donc, changement favorable, 9%. Changement défavorable, 11%. N'a pas d'impact, 68%. Ah, mais ça. Encore une fois, ça revient un peu à dire que les gens sont pas au courant. Ben, c'est ça. Moi, j'ai quand même l'impression que beaucoup de ces réponses-là, puis beaucoup des gens qui vont dire quelque chose par rapport à un parti politique, c'est qu'ils connaissent pas nécessairement ce qu'il y en est. C'est ça. Puis les informations par rapport à ça. Parce qu'on s'entend que dire que tout le monde a changé de place ou il y a des nouveaux puis il y a des gens qui sont partis, c'est sûr que ça change quelque chose. Ben oui. Ça peut pas être genre neutre. Et pourtant, pour l'avoir suivi à la lettre, en direct, quand ça a sorti ces changements-là, je leur ai répondu « ça n'a pas d'impact sur mon opinion okay. ». Tellement que c'était insignifiant. C'est sur ton opinion, oui. C'est ça. Oui, exact. Il faut voir la différence entre la question de la façon qu'elle est sur ton opinion. Ouais. Ben, c'est sûr. Ouais, ouais. C'est sûr. Ouais. Selon la personne, mais pour moi, ça n'a pas d'impact. C'était ça la question. Personnellement, je veux dire, OK, ils ont brassé des cartes. Là. C'est comme dans une classe quand tu changes ton monde de place. Là. Mm. C'est encore la même classe. C'est juste que... C'est plus le monde assis à la même place, à la même chaise. Ça ressemble à ça, qu'est-ce qu'ils ont fait. Hein? J'avoue, j'avais mal saisi la question. Ben, c'est correct. On est là pour en jaser, justement. Le gouvernement du Québec s'est engagé à déposer un budget équilibré pour 2016-2017. Selon vous, est-ce qu'il réussira ou non? Ça, j'adore ce genre de questions-là. Ça montre toute la confiance que les gens ont envers la politique. Donc oui, il va réussir 20%, puis non, il réussira pas 54%. Je ne sais pas, 26%. Aïe, 26%. Ouais, les gens s'en cachent pas, finalement. Non, pour cette question-là, en tout cas. Donc, on fait pas confiance au gouvernement quand il gère l'argent. Ouais. Ça, c'est ce que ça veut dire. Sinon, êtes-vous en accord ou en désaccord avec l'intention du gouvernement de créer un registre des armes à feu? Celle-là, je ne m'attarderai pas là-dessus parce que c'est toute qu'une question. Ouais. C'est même moi-même, j'arrive pas à me faire une tête là-dessus. Ce que je veux apporter comme nuance, c'est que ça dit totalement d'accord, 57%. et en désaccord 33%. Donc on voit que quand même, c'est pas 90-10. Ouais, non, c'est ça. Par contre, ce qui est arrivé à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a eu un vote unanime, donc 100% des députés qui ont voté pour le registre des armes à feu. OK? Ce que je veux juste noter, c'est que le gouvernement est censé représenter la population. Donc, on devrait avoir au moins 33% des députés qui se dit capable d'analyser la question et d'écouter les gens qui n'en veulent pas. Ouais. Alors que là, on a la population qui est partagée, d'une certaine manière. Donc, on parle de un tiers, deux tiers. Mmh. Donc, c'est quand même non négligeable au nombre qu'on a au Québec. Et il n'y a personne à l'Assemblée nationale qui veut écouter ce que les gens ont à dire. C'est juste ça que je trouve particulier. Normalement, il y a quelqu'un à l'Assemblée nationale qui devrait dire « Moi, je vais écouter ce que les gens ont à dire. Ouais. On va essayer d'amener d'autres points. » Alors que là, on a eu un 100% unanime à l'Assemblée nationale alors que c'est divisé dans la population. Mm. J'ai trouvé cette question-là intéressante pour ce phénomène-là. Le reste, je me lance pas là-dedans. C'est une question très complexe. Mais ça dépend aussi comment la question a été posée en Assemblée nationale versus comment elle a été posée à la population. Aussi. Ouais, aussi. Tu sais, je veux dire, si à l'Assemblée nationale, ça demande « Êtes-vous en faveur du registre pour les armes à feu? » Puis que tout le monde, par rapport à leur valeur, c'est pas normal que d'avoir 12 guns dans sa maison, vont tous automatiquement lever la main. Mais si elle a été posée de façon différente, parce que c'est sûr que là, du côté de la population, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont répondu dans le 33% qui eux-mêmes ont des armes. Mm-hmm. C'est sûr et certain. C'est sûr que surtout c'est des les chasseurs. Exact. Tout ça. Mais s'il n'y a pas personne dans l'Assemblée nationale là, qui fait de la chasse ou quoi que ce soit, là, au moment de répondre à la question, t'en veux pas d'armes à feu? Exact. Mais c'est pour ça, actuellement, là, il y en a deux, trois qui ont commencé à dire que, surtout des gens qui viennent de comté où la chasse est très, très, très présente, OK, qui ont commencé à dire, ouais, à ta minute, là. C'est parce que si je me positionne pour un registre, je ne serai pas élu aux prochaines élections. Ah, OK, OK. Ouais, OK? Donc, peut-être que je serais mieux de m'asseoir avec mon monde et de recevoir des gens qui vont venir m'expliquer pourquoi ils n'en veulent pas. Mm-hmm. Et d'amener ça à l'Assemblée nationale. Donc là, ça a été fait de manière unanime. Puis là, on en voit quelques-uns là, qui ont l'air de vouloir un peu créer un débat autour de ça. OK? Même pour les gens qui n'ont pas d'armes à feu, l'argument qui revient, c'est le coût du registre. Au fédéral, ça a coûté un montant monstre et il y a eu des dépassements de coûts incroyables. Et au Québec, à chaque fois qu'on part un projet, il y a des dépassements de coûts. Donc, on nous dit « Ah, ça va juste coûter tant de millions. » Premièrement, tant de millions, un nombre dans les 7 chiffres pour un registre, c'est beaucoup. Puis après ça, on sait qu'on a tout le temps des dépassements de coûts. Donc déjà, quelqu'un qui s'intéresse un petit peu aux facteurs économiques, va se positionner là-dessus. Ensuite, t'as les gens qui ont des armes à feu pour la chasse qui vont se positionner là-dessus. Et sinon, t'as les gens en général qui veulent se positionner pour se positionner. Donc, c'est ce qui fait en sorte que c'est une question qui est quand même partagée. Et si on veut faire ça de manière saine, ça va prendre des gens de l'Assemblée nationale qui vont se positionner de l'autre côté pour ramener le débat à l'Assemblée nationale. Ouais. Même si c'est juste 3-4 députés, au moins, ça passera pas en claquant des doigts avec une unanimité. C'est ça. Mais je me demande quand est-ce que ça va se régler cette histoire-là. Il me semble que ça fait vraiment longtemps qu'on en parle. Ça fait vraiment longtemps. Je pense que ça fait un an. Ouais. Il me semble que j'avais ça. Il me semble que j'en avais déjà parlé dans mon émission. Il me semble printemps dernier ou cet été. Ouais. Puis ça, c'est sur les développements les plus récents, mais sur le registre en tant que tel, ça fait pas mal plus longtemps que ça, il me semble que j'entends. Oui, ben ça, on en a parlé beaucoup quand les conservateurs l'ont aboli au niveau fédéral. Ok, ok. C'est ça. Ouais. Mmh. Et au Québec, on est, je pense, la seule province à avoir vraiment chialé. Ah. Les autres provinces ont comme fait « Ah, oh, c'est correct, ouais. Ça va faire ça de moins à dépenser. Mm. » Mais bon, c'est le point principal que j'entends le plus au niveau des policiers qui le consultent pour savoir, avant d'aller faire une intervention, s'ils ont besoin, de quel protocole ils utilisent, si la personne détient... Ouais. C'est ça. Okay. Mais bon, le point que certains amènent, c'est que de toute façon, à l'école de police, on dit de tout le temps appliquer le protocole comme si, oui. Parce que quelqu'un peut avoir une arme non enregistrée. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'en fait, les gens disent « ben vous pouvez pas utiliser cet argument-là ». Il y en a d'autres qui disent « non, c'est important pareil ». Bref, c'est un vrai free-for-all, cette question-là. Mm. Puis moi-même, je sais même pas où me positionner, tellement que je vois des arguments arriver de partout. Donc, comme c'est des ça. Balles. Ouais, c'est ça. Mais bref, je suis content que cette question-là ait été amenée dans ce sondage-là parce que c'était quand même quelque chose qui déchirait une partie de la population. Mm. Donc, c'est ça. Donc, c'est les résultats du sondage. Donc, les chiffres qui m'ont le plus impressionné, c'est de voir le Parti libéral encore s'en sortir aussi bien. Mm-hmm. Et ce qui me surprend pas, ben, c'est de voir le Parti québécois en chute libre. Mm-hmm. étonnamment. Donc, c'est ça. Et dernière petite nouvelle en finissant. C'est parce que ça avait bien fonctionné la semaine dernière. On aimait ça. Tellement. Ben oui, donc je vous ai amené une autre nouvelle digne du merveilleux monde du génie. Il y a une équipe d'ingénieurs en herbe, donc des étudiants de l'Université Sherbrooke, qui ont décidé de faire un projet étudiant. Ils vont faire un drone. OK. Jusque-là, ça peut paraître très banal. Tout le monde fait des drones, oui. Okay. C'est ça. Mais non, eux, ils vont le faire en bâton de hockey. Hey, mais attends, c'est super léger, là, des bâtons de hockey. C'est certain que ça va fonctionner. Des bâtons composites. Ça va être très gros. Ça va être très gros parce qu'ils veulent asseoir quelqu'un dessus. Hein? C'est ça, le but. OK. Hein? Oui, oui. Oui. Ça a l'air un peu... J'espère qu'il va avoir un bon harnais. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, des bâtons de hockey, c'est la compagnie, c'est Bauer, la compagnie, qui a décidé de s'investir dans le projet pour donner des bâtons de hockey très, très légers. Ça va être propulsé à l'aide de 5 moteurs. On parle d'un projet d'environ 6 000 $. Okay. Donc, quand même pas si pire. Ouais, c'est ça. Et le but, ça va être d'asseoir quelqu'un sur le drone et de le faire voler. Quelqu'un de léger. Il disait ici... soulever une personne de 80 kilos au moins. Fait que quand même, on a une bonne marge de manœuvre. Oui. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et ils ont dit que si le véhicule pesait moins de 254 livres, il allait pouvoir aller aux États-Unis et le faire voler sans aucune restriction, selon la réglementation qu'il y a là. Mais comme ils disent, c'est à leur risque et péril. C'est parce qu'il faut que tu sois sûr qu'il n'y arrive pas d'accident. Hey, t'imagines, il se fait happer par une mouette. Une mouette. Ouch! Non, mais c'est sûr qu'il y a plein de facteurs à prendre en considération. Là. C'est sûr et certain. Du désert, là, il fait pas mal plus frisquet. Hein? C'est ça. Mais si t'es dans un drone, mettons, j'essaie de voir comme l'objectif à atteindre avec un drone. Bon, d'habitude, c'est d'aller filmer des trucs, tu sais, peut-être en remplacement d'un hélicoptère, quelque chose comme ça. Si t'es pour mettre un humain dedans, il faut que tu rajoutes peut-être, si c'est pour aller filmer, peut-être la caméra. C'est ça, peut-être une GoPro, quelque chose comme ça. Donc ça pourrait mener vers de belles images parce que là, t'as le contrôle sur la caméra. Ben, c'est ça. En plus de juste savoir à contrôler ton drone. Et même le drone va donner une belle image, tout en bâton de hockey. Ben, c'est vrai. Hein? C'est combiné à notre sport national. Là. Exactement. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour filmer des matchs de hockey extérieur. Peut-être. Oh, wow. Est-ce que je pense qu'il va y avoir une association entre peut-être une équipe de hockey, peut-être que ce soit des bâtons des Canadiens. On se rappelle qu'ils ont créé une glace sur un des plus hauts buildings de Toronto. Oui, exact. Peut-être pour filmer ça. Avec un drone, c'est sûr que ça ferait des prises de vue assez exceptionnelles. En haut du building, je me risquerais pas parce que, tu sais, si tu voles un petit peu à côté du building puis que ça lâche là, c'est un peu haut. Ouais. Par contre, c'était l'autre année d'avant qu'il l'avait fait au milieu des montagnes. Là, ce serait mieux parce qu'au moins, si tu tombes, tu tombes dans de la neige folle. Mais il faut avoir un parachute, je pense, quand même. Ça dépend à quelle hauteur que tu voles. Ouais. Parce que je te dirais que même si tu montes, exemple, à 100 pieds, t'auras pas le temps d'ouvrir ton parachute avant d'atteindre le sol. Ouais. Donc, c'est pour ça que je te dis... Si un drone, normalement, c'est pas fait pour aller très haut si tu veux filmer l'action qui se passe. Donc, ça te servira à rien, parachute. J'espère qu'ils vont faire de bons tests. J'espère. Ouais, c'est des futurs ingénieurs. Oui. Ils vont faire les tests. Oui. Parce que tu veux surtout pas commencer ta jeune carrière d'ingénieur avec un accident de la sorte à ton dossier. T'imagines. Des morts. Surtout des morts de bâton de hockey. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir c'est lequel dans la gang qui va oser embarquer dessus le premier. C'est ça. Automatiquement, ça va être le plus petit. Ouais, c'est ça. Probablement. Parce que si, en plus, il y a de l'équipement. C'est pour ça que je m'embarque pas trop dans ces projets-là. Je suis toujours le plus petit du groupe. Notre cobaye, Samuel Girard. C'est ça. On va l'envoyer sur le terrain, tester ça. Là, sur une chaise devant un micro, je suis bien à l'aise comme ça. Dans ta zone de confort, Samuel Girard. Merci beaucoup. Hey, ça fait plaisir. On te retrouve jeudi à 9h30 pour Génie en liberté. Sans faute. Ça repart ce samedi à 10h et au Mathieu Plante Show, mercredi à 15h, entre 15h et 17h. Voilà, Samuel Girard. Merci. C'est le moment de prendre une petite pause musicale avant de recevoir Marie-Christine Perra pour sa chronique gratin et vin gratuit, mais pour l'instant, c'est The Paper Kites qu'on écoute. Tu vois, on parlait de dans les airs avec un drone, donc un petit cerf-volant. Renegade, assemblage requis. Had a dream that I sent for your love in the morning. Came to me at about 2:45. Said I didn't look like I used to look, and man, I do not know your face. And I woke to discover that the thing that you said was true to me in some kind of way. could draw a line or I could cut my hair, but it don't change the way I am. Cause I'm a part of the world I live in now. Only set apart from the world I live in now. Ghost of a renegade. Never seen. And once I walked the rhythm in my old dead way, part of the evolving age. But I heard the warning from that young man's lips, and he said the times would change. C'était The Paper Kites et Renegade. Au retour, Marc-Christine Perra et gratin et vin gratuit. C'est fou. 89.1. Visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes à Assemblage Requis en ce lundi 15 février 2016. C'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Ah, et c'est le moment de se déballer un petit cadeau là, de Saint-Valentin en retard à peine. Hein? À peine. Tellement adorable. Voici gratin et vin gratuit. Raisin en grappe, fromage brie, des galeries d'art, elle se nourrit. D'art d'œuvre, de photographie, d'art visuel en tréfluvie. Voici gratin et vin gratuit. Salut Marie-Christine Perra. Bonjour. Ah, que c'est chaleureux comme accueil, ça, ah, n'est-ce oui, pas? Ah oui, j'adore. C'est la chronique sur les arts visuels, gratin bien et vin sûr. Gratuit. Parce qu'évidemment, on a tout le temps un petit gratin, dans le sens de les gens bien placés au Placé de Trois-Rivières, mm-hmm. et un petit oui. vin gratuit. Oui, dans les vernissages, c'est voilà. un grand classique, le vin gratuit. C'est pas partout qu'il y en a, parce que des fois, ça se passe dans les bars, donc il faut payer son vin, mais habituellement, la tradition le veut, il y a du vin gratuit. C'est combien du vin dans un bar? Ben, une coupe de vin, mettons, c'est comme une bière, là. Ouais. 5-6 piastres, mettons, ça okay. dépend. OK, comment? Ouais. Plus proche de 6 que de 5. Ah mais, oui, pour ah, une petite coupe, là, genre. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que tu prends deux coupes, là, puis t'as payé la bouteille parce que c'est pas du grand vin, habituellement, dans les bars. Ça me tenterait, genre, de prendre une tasse à café, genre, ou une tasse, puis tu t'as rempli de vin. Ouais, c'est ça. Ouais, là, ça serait pas pire pour 6 piastres. Mais c'est ça. Mais habituellement, oui, il y a des, il y a de la bouffe aussi, des fois, des petits fromages, des petits raisins. Mais le gratin, c'est surtout les personnes présentes. Les personnalités. Les personnalités du haut gratin artistique trifluvien. Et dépendamment quel endroit tu fréquentes dans, pour ton vernissage, le gratin est différent. Ouh! Mais moi, je suis de la partie de tous, donc je suis un gratin facile. Ben voilà. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai été voir? Moi, j'ai été voir, je vous avais dit en plus que j'allais à un anti-vernissage. Mm-hmm. Oui, on voulait savoir c'était quoi. Dernier. Ça, ben, ouais. Finalement, je me le demande encore, mais quand je suis allée, l'artiste n'était pas là. Fait que je me disais peut-être que c'est ça. Mais non, elle était juste en retard. Mais moi, je ne suis pas restée jusqu'à temps qu'elle arrive parce qu'à un moment donné... T'as une vie, hein? Ouais, ben, j'essaye. Puis c'est ça, mais elle, après ça, j'y ai parlé, puis elle m'a dit qu'elle voulait faire ça un petit peu plus décontracté. Mais tu sais, c'était un vernissage, mais c'est juste qu'au lieu d'être du vin, mettons, c'était du punch. Au lieu d'être du fromage, c'était des pogos. Ah, ben c'est cool quand même, ouais. Ben oui, c'est ça, c'est plus jeune. T'sais. Ben oui, c'est bon, YOLO. C'est hein. Ben peut-être. T'sais, peut-être. Si tu le dis, peut-être. Hein? Bon, ça me dit un peu plus de quoi, mais bon, moi, je suis dans la galerie d'art, hein, ça parle pas fort là-bas, fait que je connais pas les expressions. Donc, ben c'est ça. Puis elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est Aurélie Lacroix, en fait, cette artiste-là, qui est... Oui. Oh, vous la connaissez? Un peu. Notre rédacteur en chef, Philippe Quentin, qui la connaît. Oui, exactement. Ouais. Puis elle, ben c'est une ancienne étudiante ici. Elle est diplômée de l'UQTR et du Cégep à Trois-Rivières. Puis elle est dans un collectif aussi d'artistes qui s'appelle Les Quoi. Comme les okay. Quoi, là. Quoi? Quoi? Les Quoi? Ouais. Bon, c'est ça, un peu. Donc, je pense qu'ils sont 4 ou 5, là. Puis eux autres, ils travaillent surtout l'esthétique relationnelle, hein, c'est-à-dire qu'ils prennent en considération beaucoup le public qui viennent participer à leur œuvre, puis le public va influencer comment l'œuvre va se dérouler, puis tout ça. Donc, ils travaillent beaucoup avec ça, le collectif Les Quoi. Puis eux, ils profitent du fait que, tu sais, l'effet de raquette, moi, j'appelle ça comme ça. Tu sais, si tu poses ton pied sur la neige... Mais tu cales. Ouais. Mais tu sais, la raquette, là, c'est comme l'effet de groupe. Ah, tu sais, c'est plus large, plus fait que là, tu cales pas. Fait que tu sais, quand t'es en groupe, il y a comme un effet de raquette, fait que tu peux aller comme plus loin. C'est quand même intelligent. C'est pas pire, hein, comme comparaison. Ouais. Fait que moi, j'appelle ça l'effet de raquette. Donc, voilà, ils profitent de l'effet de raquette quand ils sont en groupe, ils sont un petit peu moins timides que quand ils sont seuls. Donc, voilà, mais Aurélie Lacroix, quand elle est seule, elle fait une espèce de dessins un peu grotesques. C'est comme une espèce de kitsch laid. Ouais, mais c'est voulu. Ben oui, c'est ça exactement, parce qu'elle maîtrise très bien. Elle a une super bonne technique. Là. Son coup de crayon, il est vraiment excellent. Il est très fin. Mais tu sais, ça demeure que l'image qu'elle choisit de représenter est on peut dire laide, là, mais elle est disgracieuse pour l'œil, disons. Oui. Puis elle fait exprès. Elle va chercher des banques d'images sur Internet, des vraies images qu'elle trouve, donc des vraies personnes. Donc, désolée pour ces personnes. mais elle les prend, puis elle les reproduit. Elle copie, finalement. Ben, elle copie sûrement pas exactement. Elle s'en inspire un mais peu. Mais elle dit que oui, que c'est tellement près que la personne pourrait arriver dans son exposition puis se reconnaître. Ah. Puis là, ça devient malaisant. Un peu. Oui, mais ça risque pas tellement d'arriver parce que ça peut être quelqu'un qui habite à Seattle, mettons. Okay, fait qu'avant qu'il se retrouve face à une œuvre d'Aurélie Lacroix, ben ça se pourrait qu'elle voyage de par le monde. On lui souhaite que cette rencontre arrive un jour. Mais ça, puis elle va rajouter de la couleur aussi au crayon de bois puis au pastel gras. Qui sont des médiums qui sont habituellement peu utilisés. C'est plus, tu sais, quand on pense pastel gras ou crayon de bois, bien, crayon de couleur, on pense plus aux enfants, là, à leur plastique dans les écoles primaires, puis tout ça. Puis, tu sais, mes filles, c'est sûr qu'ils ont ça, des crayons de bois, des crayons feutres, des pastels gras, tu sais. Donc, c'est un médium qui est peut-être un petit peu moins utilisé par les artistes. Quoique, je vais vous en parler tantôt, ça a déjà été utilisé par un grand. Ooh. Ooh. Donc, c'est ça, elle va rajouter, elle, beaucoup de couleurs sur ses personnages. Puis elle, c'est ça, elle va... excusez-moi, je reçois plein d'appels des commissions scolaires. C'est trop populaire. Je suis enseignante, hein, puis aujourd'hui, les chars partent pas, fait que je pense qu'on a besoin de suppléants avec des bonnes batteries. Donc, ben c'est ça, elle, qu'est-ce que je disais, donc... Passer le gras à tes enfants, ouais, tes filles ont ça. Oui, l'utiliser ça, donc je suis perdue, moi, un matin. Mais, ben, je sais plus, qu'est-ce que je disais, fait que je vais parler d'autres choses, finalement. Ça m'écœure, ça, voyons, je suis donc bien déconcentrée. Donc, c'est qu'elle choisit des images sur Internet, puis elle reproduit ces personnes-là. Puis elle les choisit parce qu'ils sont disgracieux, finalement, ou parce qu'ils ont des expressions qui sont hors du commun, tu sais, fait qu'ils ont des yeux croches ou ils ont des... tu sais, il y a quelque chose qui fait... que ça détonne. Une originalité, un peu. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'elle est choisie. Donc, c'est volontaire que l'image qui est reproduite, tu sais, elle soit pas agréable à l'œil, mais elle l'est parce qu'il y a des belles couleurs, puis son coup de crayon, il est bon. Donc, on a une espèce de contraste, là, entre le laid, le grotesque et le beau, là, on peut dire ça comme ça. Puis aussi, elle utilise beaucoup le cadre, elle. Donc, elle va trouver des cadres un peu, tu sais, soit dans des brocantes ou des vieux cadres qui sont eux aussi très kitsch, très fond de chalet oublié dans les années 50-60 là. Puis mais sauf que ça donne lieu à des belles choses parce que y a, comme par exemple il y a un dessin qui est en hexagone. Ça ben c'est plutôt rare qu'on utilise une forme comme ça. Donc ces vieux cadres vont lui inspirer des formes finalement un petit peu hors du commun aussi. Donc ben c'est ça, mais c'est quand même c'est intéressant c'est qu'est-ce qu'elle fait. Puis, ben moi, je trouve que c'est une... Tu sais, elle est très Trois-Rivières, là, parce que... Ben oui, on étudiait à la même école primaire. Hein? C'est vrai? C'est quelque chose. Mais, tu sais, très Trois-Rivières dans le sens qu'à Trois-Rivières, on est beaucoup dans l'estampe. Puis, elle fait aussi de la sérigraphie. Puis, elle veut parfaire sa technique de sérigraphie. Puis, tu sais, il y a Fontaine-le-Riche à Trois-Rivières qui est assez connue dans le milieu des arts visuels, qui est à presse-papier, puis elle fait un peu dans le lait aussi. Mm-hmm. Puis, tu sais, elle va faire des toutous un peu monstrueux. Tu sais, avec une espèce de recherche de beau dans le lait. Puis, elle va faire, tu sais, beaucoup de motifs de tapisserie puis tout ça dans ses sérigraphies. Puis, je trouve qu'Aurélie Lacroix, c'est comme si elle est héritière de Fontaine-le-Riche. Ah, okay. Donc, c'est une fleur que je fais à Fontaine-le-Riche parce que c'est de dire qu'elle est... On s'en inspire. Donc, voilà. Hein, donc, voilà. Tout en étant complémentaire, j'espère, au moins un petit peu. Pardon? Tout en étant complémentaire un peu. Oui, exactement. C'est pas pareil. C'est pas pareil, mais on sent qu'il y a une influence. Donc, cet artiste-là, Trifluvienne, qui doit être quoi, dans la trentaine, là, peut-être un petit peu plus vieille que moi, mais à peine, eh bien, elle commence déjà à influencer ses contemporaines. Fait que je trouve ça bien. Donc, il y a quelque chose d'installé à Trois-Rivières. C'est pour ça que c'est des sérigraphies très Trois-Rivières. C'est beau. Hein? C'est pas pire, hein? Donc, c'est ça, elle va faire aussi des sérigraphies. Puis là, ben, elle veut poursuivre dans ce sens-là. Donc, ça, c'est au Frida. C'est jusqu'à fin février. Là, les expos durent habituellement un mois au Frida. Donc, ça commençait le 5. Donc, vous avez le temps. Hein, jusqu'à semaine de relâche. Donc, ben voilà. Puis là, ben je vous ai dit qu'elle utilisait beaucoup de passate gras. Oui. Mmh. Puis, ben c'est ça, je voulais vous parler de ce médium qui peut utiliser chez les grands artistes, disons, mais qu'on a l'impression que c'est plus pour les enfants. Et pour cause, parce qu'en fait, ça a été inventé en 1920 au Japon, ce médium-là. Puis c'était un enseignant qui avait besoin d'adapter les crayons pour les enfants, pour les mains des enfants. Puis un pastel gras, c'est très crémeux, ça glisse, puis tout ça. Donc, pour les enfants, c'est plus facile. Donc, lui, il a utilisé... il avait déjà les craies de cire, les pastels secs, puis il a utilisé ce pigment-là, puis il a rajouté de la cire dedans. Puis après ça, il a parfait ouais, sa recette. Puis là, il a mis de la paraffine, il a mis de l'huile de coco, puis de l'acide stéarique. Là, je me demandais bien c'était quoi cet acide-là. Ben ouais. Puis c'est un acide qu'on retrouve dans les ruminants, surtout. OK. C'est un gras de ruminant qui, tu sais, ça vient du suif, là, du gras de l'animal. Puis on l'utilise aussi pour faire des chandelles, des savons, des huiles. Puis, ben aussi pour faire des pastels gras. Puis c'est un gras qui est insaturé. Donc, il peut pas être oxydé par l'oxygène qu'il y a dans l'air. Donc, il se corrompt pas. Fait qu'il reste comme dans son état solide, mou, puis huileux. Tu sais, il durcit pas. Fait que c'est pour ça qu'on l'utilise dans la conception des chandelles, des savons. Comme ça, il se tarit pas à l'air libre. Mm-hmm. Hein? J'en apprends-tu des enfants matin? Ouais, hein? Pas pire, hein? Donc, c'est ça, ce pastel gras-là, il a été... donc, c'est en 1924, là, à peu près au Japon, qui a été plus popularisé. Puis ça s'est rendu aux oreilles d'un certain Pablo Picasso, qui, à cette époque-là, était dans la fleur de son art cubiste. Puis là, il dit, coudonc, j'en veux, moi aussi, de tout ça. Les maudites créatures, ça me tanne un petit peu. Fait que là, ben, il a passé une commande à un fabricant de créatures, je sais pas trop, à Paris. Puis il y a eu des pastels gras sur mesure. Donc, c'est à cette époque-là. Ça remonte aux années 40, 47. On s'entendait pas sur Internet, 47, 49. Mais c'est à cette époque-là que le pastel gras a vraiment connu un essor fulgurant grâce à M. Pablo Picasso, quand même. Wow. Donc, quand on dit que les grands ne l'utilisent pas, ben, l'utilisent peut-être plus, mais ils l'ont déjà utilisé. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est vrai. Donc, ça, c'est la petite histoire du pastel gras. Intéressant, ça. Intéressant, quand même. Mm-hmm. Donc, je vais vous envoyer en musique, Mathieu, ma musique emballée. Ben, parce que hier, j'ai envoyé le lien dans une boîte de Saint-Valentin. J'aurais jamais pensé qu'il y avait quelque chose de ben, si moi non plus. Je savais pas trop comment ça fonctionnait. J'ai posé sur un petit cœur, puis là, j'étais plus capable d'enlever ça. Mais coudonc, Mathieu. Hein? Donc, c'est ça, c'est une chanson du regretté David Bowie qui est super à mode ces temps-ci. Parce que quand quelqu'un meurt, hein, on le redécouvre. Mm-hmm. Mais il y a une chanson qui s'appelle Pablo Picasso. Fait que je trouvais que ça se prêtait bien. On écoute ça à Assemblage Rocky. Thank you. Much fun. Anyway, next track's called Pablo Picasso. Ça rentre trop loin dans la chanson, je vais en mettre une de meilleure version, désolé, de l'hétérum, comme ça on va en faire jouer une autre. Tiens, ça laisse. This is my band, I'm in front of it, and that's me, David Bowie. Anyway, next track called Pablo Picasso. Ah oui, bah wow. Pablo Picasso, il en a de ça. Merci. Bravo, Mathieu. Ça fait plaisir. Donc, on a toujours la chronique de Marie-Christine Perra qui s'appelle Gratin et vent gratuit. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, ben oui, c'est pour ça qu'on a écouté Pablo Picasso. C'est que je viens de parler du pastel gras qui a été un peu popularisé, disons-le vulgairement comme ça, par Pablo Picasso dans les années 40. Tout à fait. Donc, deuxième exposition que je suis allée voir, c'est Samuel Champoux à l'Embuscade. Son exposition s'appelle Voyage astral. Lui, je vous en avais déjà parlé, il avait fait une exposition au Frida. Il utilisait de l'acrylique dilué avec toutes sortes de produits chimiques sur des vitres. Oui! Puis il faisait des abstractions avec ça. Ça donnait des résultats vraiment très fascinants, très profonds. Puis là, ben, il a continué avec cette technique-là, mais là, il a travaillé surtout en noir et blanc. Et puis avec des petits ajouts de couleurs, des fois des petites taches rouges, mais c'est plus figuratif. Donc ça donne des petits personnages, des fois dans des espèces de grands... grands champs de tiges, de végétaux, ou des... Ça donne des grands paysages vastes, là, puis c'est vraiment beau. Pour vrai, ce gars-là, il a trouvé quelque chose, puis c'est vraiment... c'est très touchant, c'est très profond comme œuvre, qu'est-ce que ça donne. Là, c'est des plus petits formats. Il y en a une, il me semble que c'est une ou deux que c'est vraiment de l'abstraction, mais sinon, c'est beaucoup plus figuratif. À un moment donné, il y a un cheval rouge, un peu comme un cheval de sang, là, mais ben, tu sais, parce qu'on voit le rouge souvent, c'est à ça qu'on pense tout de suite, dans une espèce de lunette de, j'ai goût de dire de jumelles, mais de longue vue, dans le fond, parce qu'il y en a juste une. Fait que, tu sais, c'est un rectangle noir avec un rond blanc, puis à l'intérieur, il y a le cheval, mais toujours avec sa technique sur la vitre. Donc, tu sais, lui, l'œuvre qu'il crée, nous, ce qu'on voit, c'est l'endos de l'œuvre, parce qu'il crée sur la vitre, puis après ça, il y a vire de bord. Ah, oui. Donc, on voit l'endos de son geste, mais en même temps, il y a toujours la vitre qui est entre notre œil, puis le résultat final. Donc, ça donne quelque chose de très, très particulier. Je suis très impressionnée de ce jeune homme qui est dans la jeune vingtaine. Un gars, il me semble, de Saint-Maurice, si je me souviens bien, dans ce coin-là, où... Ah, je sais plus trop, là, au Saint-Loup de France. Mais en tout cas, c'est un gars de la région, vraiment. Ouais. Puis c'est un autodidacte, parce qu'il était tanné, lui, de faire du dessin. Il dit qu'il est très, très bon, techniquement parlant. Puis il avait envie d'explorer autre chose. Puis il a comme découvert ça un peu par hasard, cette technique-là. Puis là, il est en train de parfaire sa technique. Puis vraiment, je suis très impressionnée de ce qu'il fait. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ça. C'est à l'Embuscade. Samuel Champoux, un nom à retenir. Souvent, on peut voir des exemples dans le zone campus. Je ne sais pas si celui-là, ça l'a déjà fait. Oui, ben non, c'est vrai, je suis allée aussi pour ça. Mais ouais, c'est juste que les photos, ça ne sort pas super bien parce que c'est toujours sur de la vitre. Ouais. Fait qu'il y a toujours un reflet. Fait que oui, on peut avoir une idée, mais c'est jamais comme l'avoir en vrai. T'sais, j'ai déjà vu, moi, j'étais au Musée of Modern Art of New York. Mm-hmm. J'étais là, moi, comme ça, par hasard. Je passais par là. Puis il y avait une œuvre, je regardais, puis je me disais, ouais, tu sais, c'est comme un paquet de bronze. Puis, OK. Mais en m'avançant, puis en me tournant un peu, ben finalement, c'était même pas à plat, c'était en relief. Ah. Fait que quand t'es devant une œuvre, puis quand tu la vois en photo, c'est très différent. Ouais. La même chose pour les œuvres de Jackson Pollock, tu sais, qui sont des... Vous voyez, c'est qui, lui? Mm-hmm. Il fait du dripping, là. Puis, oui, oui, oui. Bon, puis c'est des immenses œuvres. Puis quand tu vois ça sur photo, tu te dis, bah ouais, OK, correct, là, le gars, il a trippé, là. Puis, tu sais. Mais quand tu te retrouves face à ça, là, c'est très particulier. C'est, ouais, c'est incroyable. T'en as déjà vu? Ouais. Parce que c'est immense, puis ton œil n'est pas capable de se poser nulle part. Puis c'est pour ça qu'on appelle ça du all-over, c'est que c'est partout. Il n'y a pas de point fixe. Souvent, dans une œuvre, tu peux rentrer soit par le milieu, il y a des points de repère, puis ça, ton œil, il se balade selon un cycle que l'artiste lui-même a décidé. Tandis que là, c'est impossible de poser ton regard. Ça devient comme étourdissant, puis c'est très particulier à vivre, être devant une toile comme ça. Donc, ceci étant dit, oui, vous pouvez avoir une idée par la photo du zone campus, mais c'est rien comme se retrouver devant... devant l'œuvre, finalement. Oui. Fait que oui, lisez mon texte dans ton campus, bien sûr. mais allez voir l'exposition, vraiment. Puis je vais terminer en vous... parce que lui, je veux pas m'étendre. Là, coudonc, allez le voir parce que c'est vraiment beau qu'est-ce qu'il fait, Samuel Champoux. Ben, l'autre aussi, vous pouvez aller le voir. Là. C'est pas parce que j'en ai parlé plus longuement que... Bon, qui comprend? Donc, prochainement, qu'est-ce qui s'en vient? Il y a le 17 février à la Galerie R3. Il y a un vernissage à 5 heures. C'est Jean-Jacques Ringuette. On dit de lui qu'il fait quelque chose d'atypique, de marginal, qu'il fait dans la représentation tragicomique des grandeurs et misères de notre humanité. Oh! OK. Ouais. Puis j'ai vu des photos, puis il a l'air d'avoir un maquillage, un peu de mime, puis il avait l'air d'avoir un jeune garçon sur son dos. En tout cas, fait que ça a l'air physique, clownesque, okay. Mime, Fait que sûrement qu'il va avoir une performance avec tout ça. Je sais pas trop à quoi ça va rimer, cette exposition-là, mais j'y serai, évidemment. Puis après ça, à 6 heures, on se dépêche rapidement, on s'en va à l'atelier Silex. Il y a une soirée causerie avec Barbara Klaus, probablement que ça se prononce comme ça. Une fille qui a fait, qui a une maîtrise en arts visuels, puis une autre maîtrise aussi en études de la mort. Okay. Ça existe, en criminologie? Écoute, c'est marqué « Études de la mort à l'UQAM ». Eh ben. Bon, fait que voilà. Puis elle, elle va aborder la mémoire, la mort, évidemment, le rituel, l'éphémère, le permanent. Puis elle fait une exposition aussi qui s'en vient à la Galerie d'art du Parc. Puis il en profite pour l'inviter à l'atelier Silex pour faire une soirée causerie. Ça peut être très intéressant d'entendre parler quelqu'un comme ça sur sa production artistique. Malheureusement, moi, j'irai pas avec les enfants. Des fois, c'est plus plate pour eux. C'est plus difficile pour eux d'être attentifs, mais je vous conseille quand même. Puis donc, il y a le 21 février à la Galerie d'art du Parc, il y a un vernissage. Eux, leurs vernissages sont très agréables. C'est la Galerie d'art du Parc, c'est dans une vieille bâtisse, le manoir de Tonnancourt, sur la rue des Ursulines. Puis c'est sur 3 étages. Puis il y a du beau gratin à la Galerie d'art du Parc. On rit pas. Je pense que c'est le gratin du gratin qui est là. Donc, c'est ça. Il y a Barbara Klaus, évidemment. Il y a Carl Bouchard. Puis il y a aussi, à ma grande surprise, Guylaine Chevary-Lessard, qui est la grande sœur d'une fille avec qui j'allais au primaire. Okay. Je me demandais, je t'ai supposé la connaître. Ouais, c'est non, attends, là. Pas du tout. Mais oui, ouais, oui. C'est sûr que c'est elle parce qu'elle a un nom de famille double. Oui. Fait que, tu sais. Rarement vus ensemble. Ben, c'est ça. Ouais. Les Chevary-Lessard du Québec, ils doivent pas en avoir beaucoup. Puis une non. Guylaine, en plus, ça serait un addon incroyable. Donc, là, je palpitais. Je vais aller voir ça. Ben oui. Puis en plus, cette fille-là, son nom me revient souvent en tête parce que sa petite sœur, qui était mon amie, elle m'avait dit un jour ma grande sœur s'appelle Guylaine, puis son amie, elle l'appelle Jean Coton. Parce que Guy, Jean, ben oui. Puis Laine Coton, puis ça m'a toujours marqué. Fait que quand je croise des Guylaine encore aujourd'hui dans ma tête, moi, je fais Jean Coton. Fait que, tu sais, c'est comme quelque chose qui m'est resté depuis mon primaire. Fait que là, quand j'ai vu qu'elle était là, j'ai vraiment. Juste pour l'anecdote, il faut aller voir ça. Ouais, c'est oui, juste exactement. Pour ça. Exactement. Puis une autre affaire aussi que j'ai vue en allant sur Twitter, parce que je me suis abonnée. T'es rendu sur Twitter? Ouais, ça a l'air que c'est plus agréable que Facebook. Il y a moins de bouffe puis de « Hey, salut, man! » C'est ça que j'ai fait hier. Ouais. Ouais. Fait que on m'a suggéré, mon auteur-compositeur-interprète de la Mauricie préférée, Daniel Morissette, m'a conseillé d'aller sur mal, Twitter. Mais c'est ça, puis j'ai vu un article passer, puis c'est Colette Gourvitch qui raconte des chefs-d'œuvre de la photographie à des non-voyants ou à des malvoyants. Oui. Tu sais, puis là, elle a pris pour expliquer comment l'ombre, tu sais, parce que là, elle expliquait un enfant qui court, mettons, sur la photo, puis il est poursuivi. C'est des enfants qui jouent poursuivis par leur ombre, puis tout ça. Fait que là, elle a l'aveugle, il comprend pas trop. Fait que là, elle a pris un petit bonhomme, puis là, elle fait manipuler à l'aveugle. Puis là, elle met la lumière, puis elle y explique que là, si la lumière, tu vois d'où elle vient, là, ça crée une ombre par terre. Fait que là, elle fait manipuler le non-voyant pour qu'il arrive à saisir certains concepts pour pouvoir expliquer des photographies. Je vais dire que ça allait être parfait pour la radio, mais finalement, c'est encore pire pour la radio. Ouais, non, c'est... Ouais. Oui, c'est vrai, parce qu'on peut même pas le manipuler. On peut même pas le manipuler. À la maison, prenez un... Ouais, c'est ça. Oui, ce serait pas pire faire un genre de plusieurs étapes. Prenez quelque chose, prenez une lumière. C'est ça, puis essayez. Et racontez-le-vous. Bon, pourquoi pas une émission de radio pour aveugles. Interactive. Ouais. Mais en tout cas, j'ai été très fascinée. On m'applaudit, ça veut dire que c'est terminé. Oh, félicitations. Merci. Wow. Voilà. Fait que c'est beau, j'ai terminé. Là. OK, bon, ouais. C'est fini. Oui, ça va. Juste que ça me fascinait beaucoup, cette femme. C'est très intéressant. Hashtag chambre en ville. Sur Twitter, en passant. Hashtag chambre en ville. Le chandail, chambre en ville. Fait que je le dise. Merci. C'est Marie-Christine Perra qu'on lit dans Zone Campus sur 2 semaines. Il y a un numéro qui sort la semaine prochaine. Oui, il faut que j'aille écrire mes articles, justement. Absolument. Fais ta job. Ah ouais, arrête de niaiser. Ouais, mais en fin de semaine, on m'a dit, un professeur à l'université en méthodologie de la recherche nous a dit que des fois, il fallait rien faire. C'est bon, ça. Fait que je l'ai noté, puis là, en fin de semaine, c'est pas vrai que j'ai rien fait, finalement, mais en tout cas. C'est parce qu'on finit toujours par faire quelque chose. C'est ça. Veux pas. Bref, Marie-Christine Perra, on te retrouve lundi dans 2 semaines à partir de 9h ici à Assemblage Requis. Et nous, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Donc, merci encore une fois à Marie-Christine Perra. Merci à Samuel Girard qui a fait sa chronique aujourd'hui aussi. À Éric Ayotte des God Mashup. était là. Toi, Tania? Oui, toi, Mathieu Plante aussi. Malheureusement, on remet ta chronique à demain. C'est correct. Je vais la faire demain sans problème. Voilà, Tania est gonna Tania. Sinon, sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, à 11h, on a Dîner de cons avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, on a Les Délirantes, l'émission de variété. À 14h, c'est Rock Classique avec Alain Lefebvre en rappel. Et le docteur Pendragon, bien sûr. À 19h, Le Voyage insolite avec Culture Rock, Cinéma et Littérature Fantastique. À 20h, Rock de Neurones avec du rock progressif. Mais dans quelques instants, à 10h, dans un petit peu plus d'une demi-heure, ça va être C'est fou le sexe, l'émission sur l'éducation sexuelle. Voilà. C'est.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On se quitte sur une pièce de Renard Blanc qui va être au Zénob le 20 février. Mm-hmm. Pas pire, ça? C'est pas pire. Pantoute. Pantoute, pantoute. Pantoute, pantoute. Voilà. Donc, un groupe de Saint-Hyacinthe, renardblanc.bandcamp.com. Soyez-y le 20 février au Zénob. Puis on se quitte là-dessus. Bonne journée, Tania. Bonne journée. Bon café. Yeah.